Les blancs se sont eux-mêmes mis hors humanité. Le blanc va être une vieille chose dépassée et qu'il y aura métissage puis disparition, mais et c'est ainsi. Ce que vous appelez papier, c'est fait à partir du bois que vous avez volé en Afrique. Vous comprenez? Donc, normalement, ces papiers-là, c'est le droit des Africains. Le suspect a dit qu'il était dérangé par les blancs. Il a dit qu'il voulait tuer des blancs, particulièrement des officiers blancs. L'Europe a besoin de migrants. Elle en a besoin de façon vitale pour payer les retraites de ceux qui travaillent. En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un programme expulser 40 000 migrants en situation irrégulière. Ces derniers ont jusqu'à la fin mars pour quitter Israël, faute de quoi ils seront emprisonnés. On appelle ça l'altruisme intéressé. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 36. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je vous invite, si vous aimez ce que nous faisons, si vous voulez que nous puissions continuer à diffuser nos émissions chaque semaine et aussi à animer le site democratieparticipative.tw. N'hésitez pas à nous faire des dons en crypto-monnaie exclusivement en Monero. Tout est expliqué sur le site internet à droite. N'hésitez pas. Et si vous nous faites des dons, n'hésitez pas à vous manifester. Arcane, qui nous a fait un don d'environ 60 euros en Monero. On le remercie pour son soutien. Et on remercie tous ceux qui nous soutiennent chaque semaine, ou chaque mois, ou au rythme qui leur convient, et qui ne se manifestent pas nécessairement auprès de nous. Alors, maintenant que ces rappels sont faits, je vais présenter les membres de cette semaine. Alors, nous sommes en équipe extrêmement réduite, c'est pas souvent. Nous avons bien évidemment Derek avec nous. Salut Derek. Salut Gandalf, salut tout le monde. Loué soit l'Éternègre, naturellement. Hein. Bien entendu. Bien entendu. Ah bah, tout à fait. Et un nouvel intervenant cette semaine, j'espère qu'on l'aura régulièrement dans l'émission, c'est Titus. Salut Titus, j'espère que tu vas bien. Bonjour Gandalf, bonjour Derek. Eh bien oui, je vais très bien et je remercie toute l'équipe de Démocratie Participative de m'accepter dans cet auguste cénacle dont je suis avec ferveur l'émission depuis quelques années. Ça va être à toi de briller de mille feux pour nos auditeurs. J'espère que tu vas pouvoir apporter ta touche à l'émission parmi tous nos participants. Alors, avant de commencer, remise de croix de fer à l'illustre participant qui a commis cette magnifique photo de nègre albinos. Est-ce que vous avez vu ce spécimen? Et je parle plus particulièrement à Derek. Parce que Derek... Non. J'étais non. Pas mal absent. Alors, je m'en vais découvrir ça tout de suite. Alors, attends, c'est où ça? C'est Saint-Just hein, qui nous envoie cette photo. On lui remet une très belle croix de fer de deuxième classe pour la saisie hein, du spécimen. Je dois dire que c'est le premier nègre albinos que je vois dans les transports en France. Il a été pris dans le RER. Ah oui, oh là, oui, effectivement, il est beau. On dirait presque un il blanc. Il est beau. On dirait presque un blanc. Mais la couleur, effectivement, c'est une chose. Oui. On voit qu'il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Comment dire? Par contre, je trouve que cet homme, dans la vidéo, bon, malheureusement, nos auditeurs ne peuvent pas la voir, mais ils peuvent la trouver sur le site. Je trouve que cet albinos tend le dos beaucoup trop facilement aux autres passagers. Je serais lui dans le RER, je me méfierais. Il se pourrait que d'autres tribus y voient là, comment dirais-je, D'autres tribus ou sa propre famille. Hein, oui, voilà, oui. Mais il pourrait tout à fait ça pourrait être le sujet d'une cérémonie, d'un rituel de vengeance ou d'expiation. À sa place, je serais plus méfiant. Donc, je le trouve très détendu. Je trouve ça assez étonnant, mais bon. Alors, ce n'est pas de la vengeance. C'est de la recherche de pouvoir. Hein. C'est, les ah. Ils recherchent. Ils sont tout le temps en train de parler de leurs vaisseaux spatiaux, bien entendu, hein, les pyramides, etc. Bon, en fait, ce sont des centres de l'arbre, hein, donc des centres de l'arbre, mais ça leur va pas. Donc, il leur faut des pouvoirs, mais comme ils peuvent pas, ben, pour avoir des pouvoirs, ils tuent des gens. Alors, ça va être la jeunesse, ben, on va tuer des bébés. Un type qui a du succès, ben, on va le déterrer. Hein, salut Arafat, hein, comme la dernière fois. Et là, Arafat, je sais pas pourquoi. Ouais, le nègre albinos, bon, moi je sais pas si c'est ça doit être associé à la fortune ou quelque chose comme ça. Oui, les blancs, oui. Ouais, exact. Donc on lui coupe les mains, puis on en garde une main dans la poche. Tout le temps, voilà, mais les nègres, quoi, les nègres, hein, c'est merveilleux. Titus, que penses-tu de ce nègre albinos, ou plus généralement, as-tu une expertise en négrologie? Nos auditeurs voudraient peut-être savoir si. Si tu es versé là-dedans ou si tu découvres totalement. Oh, j'ai découvert la négrologie en même temps que beaucoup de Français qui ont eu l'honneur de voir l'éther nègre briller de sa lumière sombre, hein, dans les villes françaises, qui avant ça était quand même qui manquait de lumière, hein, il faut le dire. Les nègres sont venus et ont apporté avec eux la lumière. Donc j'ai pu moi aussi profiter de ce rayonnement africain, hein, magnifique. Mais le nègre albinos, moi aussi, si j'étais lui, je me méfierais, parce que y a beaucoup de nègres qui sont versés dans la sorcellerie, le vaudou haïtien qui a des racines africaines et pas mal de pratiques comme ça. Et dans certaines traditions comme ça, les albinos passent pour avoir de l'or dans le crâne ou pour avoir des propriétés magiques. Si tu arrives à choper un crâne d'albinos, tu peux gagner des pouvoirs magiques. Si j'étais lui, je me méfierais. Hein. Il croit que. Ah oui, les nègres pensent que les albinos ont de l'or dans le crâne. Ah oui. Ah, je l'ignorais. Et les chauves aussi, apparemment. Ah oui. Oui, oui, oui. C'est sûrement encore plus pour les albinos. Ah là, bah vous voyez, j'ai bien fait de poser la question à Titus, qui, vous voyez, a une sapience déjà. Une sapience. C'est bien, c'est bien. Alors, messieurs, commençons avec la première rubrique, courrier des lecteurs. Nous avons plusieurs courriers cette semaine, très intéressants. Et nous allons commencer par nous tourner vers ce lieu de culte marial qu'est Lourdes. Nous avons un habitant de Lourdes qui a tenu à nous narrer un épisode de sa vie dans cette ville-là, dont j'avais gardé, je dois le dire, un souvenir différent de ce qu'il nous conte dans ce courrier des lecteurs. Alors je m'empresse de vous le faire découvrir et nous allons le commenter ensemble. Voilà. Voici comment ça va. Bonjour. Je me permets de vous adresser ce courrier afin de vous parler de mon quotidien au travers de ma pérégrination de ce soir. Je suis désolé de la longueur de mon texte et j'espère être assez clair dans mes propos. J'ai le malheur de vivre à Lourdes. Je rentre à peine du centre-ville, il est 22h40, je reviens de l'épicerie de nuit tenue par un Chinois, où je viens de me faire dépouiller de presque 2 € pour une bouteille de lait. Soit, après tout, je n'avais qu'à y penser en faisant mes courses ce matin. Laissez-moi vous conter mon court périple dans ces magnifiques rues lourdaises, empreintes de la gloire céleste, non sans rappeler auparavant quelques traits caractéristiques de cet endroit qui auront, sans nul doute, leur place dans votre guide racial des villes. Lourdes, la cité mariale, fait partie des lieux saints du catholicisme. Tous les ans, ce sont les populations du monde entier qui se rejoignent ici afin de se faire allègrement voler par des hôteliers plus hébraïques que des rabbins, en premier lieu desquels il faut compter la famille de cette très sainte Bernadette Soubirous. Au passage, je vous conseille de trouver une photo d'elle sur Internet et je vous défie de ne pas lui trouver un petit quelque chose de pervers dans le regard. Étant moi-même catholique, ça me coûte de le dire, mais elle possède exactement cette caractéristique du regard, inquisitrice et fourbe, cherchant l'approbation de ses mensonges dans l'œil des autres. Bref, toujours est-il que le monde se déverse tous les ans à Lourdes, et il n'est pas rare de se faire envahir par des faunes dominidées en provenance des endroits les plus inattendus. Les deux seuls événements supportables sont, grosso modo, le pèlerinage militaire, permettant notamment de vérifier que nos idées sont largement partagées par les autres peuples blancs d'Europe, et le pèlerinage des motards, où la ville vit provisoirement au bruit des grosses cylindrées et plus au bruit de la faune halogène ayant envahi le coin. Parce que oui, c'est bien là où je veux finalement en venir. Lourdes est clairement devenue un trou à rats. Que dis-je ? Une vieille cuvette de chiottes publiques, l'odeur en sue. La ville est bordée de part et d'autre par deux quartiers ressemblant plutôt à des villes dans la ville, tant par leur superficie, l'importance de leur population, que par leur homogénéité africaine et maghrébine. Bien sûr, de fait, on peut profiter de l'enrichissement culturel qui va avec. Agression, vol, incivilité, drogue, rodé urbain. Pour la mairesse socialiste, une espèce de folle au regard halluciné, il est bien évident que cela apporte un vivier électoral surpassant n'importe quelle force politique qui voudrait se constituer en opposition. Au point, c'est dire, si on est dans le jus, que les anciens regrettent les bons offices du docteur d'Ouste-Blazy. Me voici donc, ce soir, dans ma voiture, pour aller chercher cette fichue bouteille de lait, n'ayant pas la chance d'avoir assez d'argent pour me payer un pavillon dans le département. Je vis dans un immeuble, somme toute assez correct, si on exclut le vieux couple de communistes et une mouquère et son délinquant de fils, dont elle ne connaît pas le nom du père. Au passage, il est bon de préciser que j'ai appris par hasard qu'un autre de ses anciens compagnons, marocain celui-là, avec qui elle avait eu un autre cafard, s'était barré avec l'assistante sociale, bien française, qui était censée s'occuper de leurs papiers. Ce que j'ai appris de son histoire pourrait faire l'objet d'un autre courrier au complet. Je me recadre donc au sujet. Me voici dans l'escalier, descendant à tâtons. Oui, parce que le syndic a quand même coupé l'électricité des parties communes, puisque le petit cafre passe toutes ses nuits à fumer du shit assis sur les marches, et qu'en plus de l'odeur, les résidents en ont un peu marre de trouver les pots de fleurs arrosés de pisse, ou les petits cadeaux marrons odorants posés dans le rez-de-chaussée. Non, je n'exagère pas. Je descends donc les escaliers, récupère ma voiture sur le parking, direction l'épicerie de ce voleur chinois. Sur le chemin, je passe près de la place centrale, à côté du marché couvert, et constate qu'en ce samedi soir, avec la clémence du temps, les gens sont sortis. Sur la terrasse d'un café, je constate quelques familles bien blanches, les enfants de quelques hôteliers, on les reconnaît très facilement, et encore quelques piliers de bar qui semblent avoir pris un peu d'avance sur leur programme de biture. En soi, rien de bien exceptionnel. Je continue mon périple et croise encore beaucoup de gens, mais pas un blanc. D'innombrables moukers enroulés dans leurs voiles, à dominance vert pour la saison, une nuée de vieux arabes, Angela Bacrasseuse, et davantage de petits cafards, en vélo, en scooter, à pied, partout, vraiment partout. Pas un seul blanc. La nuit tombée, la ville change de face. Cantonnés dans leur quartier, dès que l'obscurité gagne sur la lumière, en bons cafards, ils sortent et se répandent partout. On parle comme au bled, on vit comme on bled, mais on agit et on est heureux comme un bougnoule en France. Entre deux rues, je remarque deux groupes en train de s'aboyer dessus. D'un côté, des Noirs fraîchement débarqués faisant partie de ces nouvelles vagues d'invasion, de l'autre, des Maghrébins cherchant à tenir leur territoire. Et ça se gueule dessus, le plus fort possible, pour attirer l'attention des gens. Ces créatures-là ont besoin de spectateurs lorsqu'elles gesticulent. J'arrive enfin à l'épicerie. Des crouilles à moitié bourrées tentent de négocier le prix des canettes de bière à 8 degrés. De grosses fatmas sont posées devant la devanture, comme des flancs assis sur le muret. Je prends ma bouteille de lait et me barre à vitesse supersonique. Au retour, je me pose des questions, bien légitimes en fait. Je me demande comment les musulmans réagiraient s'il y avait ne serait-ce que l'équivalent de 5% de chrétiens autour de la Mecque. Voit-on autour de Médine des petits blancs avec des croix sur le torse en train de jouer à crever des roues de voiture et à faire des doigts d'honneur aux policiers gênés qui passent devant eux, sans rien faire évidemment? D'autres questions se bousculent encore dans mon esprit, mais en rentrant chez moi, je préfère allumer mon ordinateur pour vous faire partager cette petite tranche de vie lourdaise. Maigre exutoire pour moi, mais calmant un peu la rage qui m'étreint, me faisant presque remonter du sang dans la gorge. Je ne sais pas comment les choses vont tourner. Je vis à Lourdes, dernier endroit où l'on devrait pouvoir trouver autant de cette engeance. Pourtant, toute la ville ressemble à présent à un quartier nord de Marseille. Je veux dire, ressemble exactement à un quartier nord de Marseille. Nous sommes au pied des Pyrénées, il n'y a que la campagne autour et la densité de la population est faible. Comment expliquer cet épantage de lisiers si rapide ? Tarbes, la ville voisine, est certes bien pourrie depuis des décennies, mais ici, du fait de l'aspect religieux, on pouvait espérer que, comme les vampires, ils n'oseraient pas s'approcher de la croix, par crainte d'être brûlés. Il n'en est rien. Il y avait un territoire en friche, ils l'ont investi. La ville comme la campagne. Pas qu'un peu et pas progressivement. C'est une lame de fond, un tsunami de nègres et d'arabes. La seule revanche pour moi, pour un blanc comme moi, est de voir les vieux gauchistes du coin, grands humanistes, ayant pu se payer un pavillon de lotissement, se plaindre misérablement des halogènes prenant la place de ceux qui ne supportaient plus cette évolution éclair et qui sont partis pour des cieux plus cléments. C'est bien connu, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes. Eh bien, il n'y a pas que lui. Voilà, je vous laisse là-dessus, je vais me faire un lait-chaud et avec un peu de miel, écouter du Wagner en rêvant d'un jour glorieux où les Européens de souche se réveilleront et arrêteront d'être les putes des gauchistes et de leurs armées d'orques. Voilà. Alors, c'est Legio 65 qui nous écrit. On le remercie de ce témoignage hein, qui est fait à brûle-pourpoint après avoir transité dans les rues de Lourdes. Et maintenant, je me tourne vers les participants, donc vers Titus et vers Derek, pour qu'ils réagissent hein, sur ce témoignage. Moi, j'avais été à Lourdes, mais il y a longtemps. Et comme tous les gens qui ont été, alors moi, j'avais pas été en pèlerinage, mais j'étais avec des gens qui étaient en pèlerinage. Donc évidemment, j'ai connu la ville comme tous les pèlerins la connaissent, en fait, pratiquement, hein, ou le touriste. Mais évidemment, je ne connais pas la ville comme un résident peut éventuellement la connaître. Donc, pour le moment, je m'abstiens d'en dire davantage. Qui veut me dire quelque chose là-dessus ? Bah écoute, oui, je vais commencer. Moi aussi, j'ai mis pas mal de fois les pieds à Lourdes il y a plusieurs années, du coup. Au moins 10 ans, voire ouais, plus. Ouais. C'est vrai que la chose ne m'avait pas marqué. Bon, c'est vrai que j'étais dans le... Enfin, près du sanctuaire, hein, ouais, ouais, ouais. Les hôtels, voilà, l'hospitalité, etc. Et bon, ça, c'est vrai, je voyais surtout des Italiens, parce qu'il y a des Italiens partout hein, là-bas, oui, oui. Qui viennent en pèlerinage, parce que bon, c'est quand même le gros. Enfin, en tout cas, à l'époque où j'y allais, c'était eux qui étaient là en majorité. Mais à part ça, oui, donc j'avais pas remarqué que c'était plein d'arabes et de nègres, du coup. Mais bon, ils sortent la nuit, visiblement. Ils sortent la nuit, à l'obscurité, oui. La nuit tombante. Ouais, ouais, ouais, ouais, bah ouais. Même la nuit tombante, si tu veux. Bon, dans les bars, on voyait beaucoup de pèlerins, quoi. Hein, des gens qui étaient là. Bon. Après, ça doit dépendre des périodes. Ça doit dépendre des périodes aussi. Mais oui, là, c'est la fin de l'été. Le régime ordinaire doit reprendre le pas. Et oui, donc les gens ordinaires, donc les bougnoules et les nègres, hein, forcément. Oui. Se font pardonne-moi, les Français. Oui, oui. C'est-à-dire que quand les... Donc quand les pèlerins sont partis, les Français sortent, reprennent un peu possession de leur territoire, bruyamment. Oui. Bah, finalement, c'est une belle histoire, parce que ça symbolise assez bien la réconciliation, je veux dire, entre la foi chrétienne et la République, finalement. C'est inspirant. C'est inspirant. En plus, c'est bien, parce que bon, ville mariale, bon, alors la Sainte Vierge, je lui en fais pas grief, mais enfin, c'est quand même curieux de vouloir apparaître dans une ville qui finit socialiste. Ça me paraît étonnant, si vous voulez, au niveau providentiel, mais bon, comme on dit, hein, je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas. Alors, Titus, veux-tu me dire quelque chose? Alors, je sais pas si t'as été à Lourdes, mais si tu veux me dire quelque chose de ce témoignage. Oui, tout à fait. Pour ma part, je n'ai jamais été à Lourdes encore, mais j'ai été bercé dans le Lourdes ville mariale, Lourdes ville des miracles, ville où vont toutes sortes de malades, d'handicapés, de personnes atteintes de maladies incurables, et qui, après s'être baignés dans les fameuses eaux, ou après avoir prié, se retrouvent guéris tout d'un coup. Moi aussi, j'avais entendu plusieurs fois des histoires comme ça, enfin, et pourtant, je n'y suis jamais allé, ni rien. Mais il y a quelque chose que je trouvais assez paradoxal dans cette histoire, c'est que on dit souvent que la campagne, ça commence à être envahie. On en parlait déjà dans d'autres émissions, vous en parliez, que l'État fait tout pour injecter un maximum d'halogène dans les campagnes, et apparemment c'est vrai aussi à Lourdes, si Lourdes ressemble à un quartier nord de Marseille, mais ça n'est pas vrai partout. Et justement, là, je ne pouvais pas empêcher de repenser à un clip qui est paru il y a quelques semaines, et qui s'appelle Chrétien t'es où, et qui est un espèce de rap auto-tuné, inspiré par l'Algérino. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que le clip, quand on le voit, il n'y a quasiment que des blancs. C'est 90-95% de blancs au bas mot. Dans quasiment toutes les images du clip, tous les enfants, les adolescents, le personnel encadrant, les curés, etc. Que des blancs. Sablonceau, qui est dans le sud-ouest de la France, Charente-Maritime, c'est quasiment que des blancs. Enfin, on entrevoit peut-être 2-3 noirs à dreadlocks vers la toute fin du clip, mais c'est encore ethniquement extrêmement préservé. Sablonceau, en tout cas, si on se fie au clip, c'est pas un quartier nord de Marseille, c'est préservé. Et pourtant, on les voit faire du rap à l'autotune, reprendre les codes d'Algérino, le type qui chante faisait « Oui, si je prie pas 5 minutes par jour, c'est trop la hesse », un langage très catholique, hein, « trop la hesse ». Et du coup, c'est assez paradoxal. On se dit Lourdes reste apparemment mariale et catholique, mais diversifiée. Et à côté, on a des villes comme Sablonceau qui ne sont pas diversifiées. Hein. Ah là là, les terres nègres nous manquent déjà, mais qui ont l'air déjà bien prêtes à accueillir la diversité comme il se doit. C'est assez paradoxal, cette espèce de variation de situation d'un lieu chrétien à un autre. Oui, oui, c'est intéressant comme comparaison. C'est bien de donner du relief. Lourdes. Alors Lourdes, d'abord, c'est quand même, il faut bien le dire, je vais pas dire que c'est que ça, mais c'est quand même un business. C'est un business. Vous arrivez là-bas, quand vous descendez notamment la rue principale, bon, vous avez des échoppes partout, etc. On vous vend, vous savez, les petites statues de la Vierge Marie en plastique pour remplir d'eau, etc. Bon, ça fait partie du décor, j'ai envie de dire. Mais c'est quand même ça fait aussi partie du business, ça c'est très clair. La ville de Douste-Blazy, oui, c'est intéressant. Je sais que Douste-Blazy avait été accusé d'avoir eu des goûts particuliers au Maroc. Quelqu'un qui avait des passions inavouées, inavouables, assez identiques à celles de Frédéric Mitterrand d'ailleurs. Mais plus jeune. Donc c'était quand même une ville, enfin bon, déjà bon, Douste-Blazy comme maire, c'est déjà pas bon signe, si vous voulez, c'est déjà pas bon signe. Alors bon, Soubirou, là, je ne savais pas que la famille Soubirou avait créé un business sur place, ça ne m'étonne pas plus que ça non plus. Alors on pourra toujours objecter que Bernadette Soubirou n'est pas comptable des agissements de ceux qui portent son nom. C'est une observation qui est acceptable, bien sûr. Voilà, bon, alors ceux qui croient ou ne croient pas aux apparitions mariales, ou à cette apparition mariale en particulier, etc. Bon, ça, à titre personnel, je les laisse déterminer ça en leur fort intérieur. Oui, le point vraiment intéressant, c'est de voir que dans les lieux les plus improbables, ou du moins au terme de l'imagerie, des images d'Épinal qu'on associe à toute une série de lieux en France, je pourrais rajouter, je sais pas, le Mont-Saint-Michel, bah, je présume, par exemple, si vous voulez, juste pour la boutade, qu'un jour, il y aura un kebab au Mont-Saint-Michel. Hein. Alors pour le moment, c'est pas possible parce que, vu le coût de propriété, parce que c'est des familles qui tiennent ça, elles ont l'or sous les pieds, elles ne cèdent pas leur propriété, bien évidemment, au Mont-Saint-Michel. Hein, ils transmettent ça de père en fils, c'est une commune d'ailleurs, le Mont-Saint-Michel. Mais, peut-être que par alliance, peut-être que la fille unique d'une des maisonnées de la commune du Mont-Saint-Michel s'acoquinera avec un Marocain ou un Turc, lequel Turc s'empressera d'ouvrir un kebab... Ou un nègre. Ouais, ou un nègre pour vendre du kebab aux touristes japonais, chinois ou américains qui auront traversé la moitié de la planète pour photographier, comment dirais-je, ce trésor d'architecture médiévale et dans le cadre qui est le sien, avec ces délicieuses effluves, comment dirais-je, de viande avariée, n'est-ce pas, typique donc du kebab. Tout est possible. Tout est possible. Écoutez, il est possible d'avoir des nègres et des arabes qui se foutent sur la gueule à quelques pas de la grotte où est apparue la Vierge. Donc je... Tout est possible. Écoutez, soyons fous. Peut-être qu'un jour, Notre-Dame prendra feu. On ne sait pas. Tout est possible. Qui veut rajouter quelque chose là-dessus? Ou simplement même une digression, hein, je veux dire... Oui. Le point qui a été abordé là par notre auditeur sur le, il se demandait si on avait des catholiques, catholiques qui crachaient par terre ou qui pissaient dans des parties communes autour de la Mecque. Ça serait de l'islamophobie, tout comme cher ami, tu es, je dois l'avouer, islamophobe en te plaignant de tes compatriotes français. C'est pas bien, c'est méchant. Alors, je te rappelle que moi, je ne suis pas français. Parce que... Notre auditeur est français. Oui, c'est vrai. Moi, je suis frappé d'indignité nationale. Donc, je ne peux plus prétendre. Mais je suis certain que Boubacar, Fofana et ces grands français là qui déjà, quelque part, les Africains sont français, j'allais dire, par vocation. Hein ? Je crois pas trahir la pensée d'Asselineau. Hein ? La francophonie. Hein. Voilà. Bah, écoute, en tout cas, moi je tiens à dire bon courage à notre auditeur qui essaie de survivre avec un nègre qui chie dans les parties communes. C'est intéressant. Non, pas un nègre, un bico. C'est un arabe sans père, les beurrettes sont des puces, c'est universellement reconnu. Les arabes n'aiment pas les chiens, enfin les arabo-musulmans n'aiment pas les chiens, allez savoir pourquoi, ils pissent et ils chient partout comme eux. c'est étrange, peut-être, oui, c'est peut-être étrange, qu'ils voient-ils... Soit-il un reflet qu'il ne peut supporter, je ne sais pas, hein. Mais il doit avoir quelque chose de cet ordre-là. Hein. Alors, messieurs, Titus. Oui, moi je voulais juste rajouter quelque chose, enfin rebondir d'ailleurs sur ce que disait Derek, c'est que les musulmans doivent sûrement se sentir très bien à Lourdes parce que l'islam est quand même une religion de pieux, une religion qui est animée par une foi intense, donc entre musulmans et chrétiens. Ça doit quand même bien s'entendre autour d'un lieu saint, d'apparition mariale. Ah oui. Faisons confiance à nos pieuses beurettes et à nos pieux salafis. Et d'ailleurs, oui, juste, je voulais aussi rebondir là-dessus, c'est que l'islamophobie existe, mais la catophobie n'existe pas, il faut le savoir. L'hétérophobie n'existe pas non plus, tout le monde n'a pas le droit de se dire victime de phobie, bien évidemment. Donc, Les catholiques ne sont pas victimes de phobie ni de persécution. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il faut que ça soit systémique. Oui, le racisme anti-blanc n'existe pas. Ça n'est pas systémique. Systémique. Donc hétérophobie, c'est pas. Non, tout ça c'est. Les nègres qui appellent à tuer des blancs et les remplacer, à baiser leurs putes, c'est une manifestation d'humeur. C'est pas du racisme. Oui, c'est une déception. Et oui. Oui. C'est une déception. Alors. On va quitter la ville de Lourdes, mais rassurez-vous, j'envoie nos auditeurs à Lille pour prendre un peu le pouls. Et là, ça va être pour la grande braderie de Lille. Alors, ville, socialiste également, puisque nous sommes chez Martine Aubry. Et vous allez voir que cette ville est une ville qui vibre. Une ville qui vibre, une ville qui est une des plus grandes villes de France et qui ne vole pas son titre de capitale européenne. Je dois bien le dire. Alors, je commence le courrier. De retour de 3 semaines de vacances en Europe de l'Est, donc chez les nazis, en Pologne, République tchèque et Biélorussie, des paradis blancs où je n'ai pas vu le moindre métèque tout au long de mon séjour, quel bonheur, j'ai tout de suite été mis au parfum multiethnique dès mon retour. À peine le pied posé sur le tarmac belge, pays qui, je le rappelle, est proportionnellement encore plus envahi que nous, oui, c'est possible, je me retrouve au beau milieu de femmes voilées et de bicots dans le hall de l'aéroport, à tel point que j'ai pensé avoir atterri à Alger ou à Casablanca. On me demande deux fois du feu, et un bougnoul me demande si je peux le déposer à l'endroit même où je vais. Refus poli, je rentre chez moi pour quelques heures de repos. D'expérience, je sais que la navette est remplie de bicots bruyants, alors que plus à l'est, dans le même type de transport, on entend les mouches voler. Le lendemain, j'ai la mauvaise idée de faire un tour à la braderie de Lille, principalement pour revoir un ami. J'arrive par métro, et là, je dois déjà supporter cette infâme pollution visuelle de racailles en tout genre, de négresses fixées sur leur portable, et de gros négros au regard provoquant. La gare est infestée de roms, de mendiants, de bougnoules en casquette, un dépotoir racial et ethnique. Quelques minutes plus tard, après le début d'une pérégrination courageuse au milieu de la foule, je vois de mes yeux les preuves, s'il en fallait encore, du grand remplacement. Pas seulement au milieu de la foule, ou dès les premiers mètres, je suis coincé derrière une racaille qui filme et poste en arabe sur Facebook son évolution dans les rues de la grosse alcoolo-socialo qui, rappelons-le, accueille en centre-ville d'ex-djihadistes en vue de les réaffilier, là où moi je les aurais remigrés sans sommation. Alors évidemment, il parle de Martine Aubry. Mais ce n'est pas que dans la foule que la substitution ethnique saute aux yeux. Elle se voit aussi dans les étals et exposants disséminés partout dans la ville. J'ai noté un nombre impressionnant, parfois par rangée entière, de vendeurs nègres vendant leurs immondices. Masques africains, sacs, bijoux, objets de décoration et autres babioles dont le style n'a rien d'esthétique, outre le fait qu'elles viennent de ce continent maudit. Je n'aime pas du tout ce genre d'objet. C'est sûr que je n'en ai pas vu autant les années précédentes que n'allant plus à ce grand rassemblement qui ressemble de moins en moins à une vraie braderie. L'augmentation est exponentielle, inquiétante, alarmante. Quand on leur parle, c'est incompréhensible. Et où parle comme ça, là? Et tout à combien d'argent? D'autres nègres, entièrement recouverts d'un espèce de turban, recouverts d'une sorte de drap, de lit coloré, de la tête aux pieds, malgré la bonne température. J'en ai vu plusieurs, voyez-vous de quel pays pourri ils peuvent venir? Là, cher Derek, c'est peut-être pour toi, là, on la donne de ton expertise. Je n'ai pas osé m'en approcher, n'ayant pas mes vaccins un jour. À côté de cela, je ne compte plus les mini-stands clandestins, des bougnoules qui revendent boissons et autres sandwichs. Nos grands amis du Maghreb nous imposent toujours leurs immenses stands de kebabs avariés. Les bougnoules promeneurs n'avaient visiblement aucune envie d'acheter, mais de faire chier à essayer de revendre leurs bœufs. Donc leur herbe, leur shit. Les autres devaient encore sûrement attendre quelques jours pour recevoir les aides de la CAF, fruit de l'impôt des Français de souche pigeonnés. La rare fois où je vois une opportunité de m'asseoir pour manger vite fait une pizza, je vois débouler une grosse négresse et ses 6 rejetons, 6, avec limite l'air de dire « Laisse-nous la place !» Et comme si ce n'était pas suffisant, je rentre en entendant à tue-tête de la musique nègre qui vient de je ne sais où. En début de soirée, plus le temps place, plus il reste de la mauvaise herbe africaine à squatter, boire et gueuler. Il est l'heure de quitter ce bourbier ethnique, c'est sûr, je suis bien revenu en France. Salutations participatives à toute l'équipe, continuez à faire votre travail, et en avant Guingamp, en avant les nègres. Et c'est Greg qui nous écrit. Alors, vous voyez, nous sommes à peut-être 900 km de Lourdes, mais il y a comme une ambiance commune. N'est-ce pas, les amis? Une unité continentale, en fait. Hein. Oui, oui, une continuité civilisationnelle, oserais-je dire. Oui, c'est ça. Et oui, c'est tout à fait ça. Alors, j'ose pas... Oui, faut bien le dire. Hein. Imagine, tu reviens de Biélorussie, t'atterris là-dedans. C'est bon... Il atterrit en Belgique, d'ailleurs. Hein. Bon, oui, Schubert n'est pas là aujourd'hui, mais... C'est bien dommage. C'est vrai que moi j'avais foutu, bon c'était une dizaine d'années aussi, les pieds à l'aéroport de Bruxelles, ça valait Roissy quoi. Ça valait Roissy, j'ai cru que t'allais me dire c'était pire que Roissy. Disons que Roissy c'est peut-être moins pire, c'est dilué, plus grand, donc dilué. C'est moins concentré, putain ouais, Bruxelles ça va... Ouais, la vache, c'est costaud, hein. Moi, j'y ai jamais mis les pieds, donc je suis incapable de dire, mais je te crois sur parole, hein, je te crois sur parole. Ouais. Alors, il arrive à Bruxelles, il se rend à Lille, il se dit, bon, je vais revoir un copain, allons à la braderie de Lille, et là, alors, c'est dommage, parce que c'est à l'oral, hein, c'est un témoignage écrit que je retranscris à l'oral, mais je vois les images, quoi, parce qu'on a tous été dans des marchés, et on a toujours vu ces espèces de nègres sénégalais avec leurs trucs, là. Mais vous multipliez ça par 100. Vous multipliez ça par 100. Vous en... Et en plus de la clientèle. Parce que c'est la grande braderie de Lille. C'est quelque chose qui est... Ouais, c'est énorme. Qui a une importance colossale, quoi. C'est dans toute la ville, quoi. Ça se répand partout. Et bon, là, oui, en gros, la ville est devenue un souk ouais. Avec des... Alors le nègre, oui, le nègre, là, le nègre avec les turbans sur la tête. Oui, alors il dit, peu importe la température, mais alors de pied en cap, il est complètement... Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est probablement un touareg, hein. Enfin, un mix entre les populations, une espèce d'arabes du sud de l'Algérie et des nègres du dessous. Ça te donne des trucs comme ça, quoi. Rappelez-vous, hein, on est allé sauver les nègres au Mali. Au Mali, ouais. C'est Barkhane, hein, Barkhane, je crois. Hein. Opération Barkhane. Ouais. Donc les types, les nègres sont des incapables, bien entendu. Trois pelés avec des kalachnikovs ont failli renverser l'État, quoi. Donc il a fait. Enfin, l'État, français, oui. L'État. Oui, enfin, oui. Oui, bon, ouais, ils ont failli prendre un bureau qui avait été laissé là par les Français à l'indépendance. Voilà. Oui, c'est ça. Soyons précis sur les termes. Et du coup, bon, oui, sûrement que ces gens-là ayant été quelque peu dérangés par notamment l'armée française, hein, on doit se les retrouver ici à faire des trucs. Alors bon, c'est étonnant qu'ils n'aient pas commis de joyeuserie, tu vois, de petites trucs comme ça. Ça dépend. Est-ce que tu intègres le viol dans les joyeuseries ou pas? Ouais, non, ça, si tu veux, c'est du commun, ça. Hein, bon, c'est du commun, mais ça un arabe ou un nègre, ça pourrait être une compensation post-coloniale, si tu veux, quelque part. Ou même lié à un syndrome post-traumatique. Eh oui. Oui, non, mais ils se violent entre eux aussi. Enfin, c'est juste des sauvages, ça. Oui, ça je suis. Oui. Non, mais bon, c'est vrai que les... Non, mais les Touaregs, on n'en a pas trop eu chez nous, mais c'est vrai qu'apparemment, ils sont arrivés. Ah, bah oui, voilà, c'est ça. Oui, c'est. Oui. Alors, je me rappelle d'ailleurs qu'était intervenu Macron en Afrique, où il avait. Les nègres, enfin, les. Oui. Bon, les. Les grillons qui s'étaient rassemblés autour de lui et qui vrombissaient dans toute la salle, lui reprochaient, je sais plus quoi. Ah, c'était au Burkina Faso, ça. Voilà, une colonie, je sais pas quoi, un truc comme ça. Il avait dit, oui, mais on est intervenu pour régler vos affaires au Mali, vous devriez nous remercier. Et... Non. Ah bah non. Alors oui, parce que la France a le bon goût d'intervenir. Bon, ceci étant dit, il faut être honnête et dire toute la vérité. Si le juif Sarkozy et du juif Lévy n'avaient pas foutu le bordel en Libye, il n'y aurait pas eu une nécessité d'intervenir dans ce foutoir. Ah, voilà, donc quelque part, puni par là où on a pêché. Les Français ont été très très vilains. Ils ont laissé les juifs s'emparer de leur état. Donc voilà, ils sont punis. Ça ne les dérange pas, parce qu'apparemment, les... Non, ils sont à l'aise. Il faut sauver la civilisation judéo-chrétienne, monsieur. C'est un terme oui, comme à Lourdes, hein. Très vilain. Oui, c'est ça la civilisation judéo-chrétienne, tu vois, c'est te laisser marcher dessus par des arabes qui chient partout, voilà. Ouais, chient dans tes parties communes, du coup, ouais. Tu dois dire merci la République. C'est le progrès, ça, c'est le progrès. Oui, là, c'est le progrès, la civilisation, te dire, oui, c'est presque Dieu. Quoi. Bah, les droits de l'homme, quelque part. Appelle l'avènement du nègre. Mais oui, même pour en revenir à la France, ça me rappelle un vide-grenier où j'ai été d'année en année parce que mes parents aimaient bien y aller, où adolescent, enfin quand encore j'étais préadolescent, ça n'était quasiment pas grand remplacé, c'était essentiellement blanc, même assez vieux d'ailleurs, c'était plutôt des gens assez âgés qui se débarrassaient de leurs objets en trop, donc, ce qui allait bien avec la thématique du vide-grenier. Et puis en 2-3 ans, c'est devenu complètement arabisé. Et là, il va y avoir aujourd'hui une bonne moitié, voire plus, de participants au vide-grenier qui sont des espèces de grosses moukères et qui ramènent, qui déjà ne vendent quasiment que des trucs particulièrement sales, enfin, des espèces d'objets crasseux dont tu sais même pas ce que c'est, t'as même pas envie de ne serait-ce que t'y intéresser. Et quand ça commence à négocier entre moukères pour un objet, alors là, ça se crie dessus, ça mélange le français et l'arabe. C'est devenu méconnaissable et ça a changé très rapidement. En 2-3 ans, ça s'est complètement moukirisé. Ah ouais, ah putain. Eh ben, bon courage en tout cas à notre ami qui a eu le bon goût d'aller en Biélorussie, hein, un pays encore libre, à la différence donc de la France hein, qui est sous occupation. Alors, je vous propose de passer au dernier courrier de cette rubrique, riche cette semaine. Courrier numéro 3. Alors, bonjour démocratie participative, j'ai décidé en ce jour d'écrire de ma plume une de mes expériences les plus illustres de ces dernières années, ma préparation militaire de gendarmerie qui rentre parfaitement dans le cadre de l'émission. Alors, c'est pas la première fois qu'on communique un témoignage d'un auditeur qui a participé à cette préparation. Alors en fait, j'aurais pu ne pas la citer, mais il y a des petits détails qui sont intéressants quand même, donc je me suis dit ça vaut le coup de la lire, de lire ce témoignage. Alors, ayant depuis toujours eu une fibre militaire ainsi qu'un attrait assuré pour les traditions, l'armée et par extension la gendarmerie représentaient pour moi le dépassement de soi pour la patrie et les fils de cette patrie. C'était aussi, je dois le dire, une bonne occasion de se faire une idée de la chose. Mais bien souvent, l'idée première recèle de féeries liées au fantasme, et il se trouve qu'entre le rêve induit par les films de guerre et la réalité idéologique de 2019, la chute fut rude. Tout d'abord, chaque caserne dispose d'un personnel féminin complet, rendant les rangs à hauteur de quasi-parité. Nombre de nos encadrants, gradés ainsi que camarades, étaient de sexe féminin. Il est d'ailleurs à noter que leur physique connotait souvent des troubles hormonaux les rendant peu féminines de prime abord. Tatouages, piercings, mâchoires vers l'avant. La première matinée se passa relativement sans embûche et derrière le profil assez homogène de cette PMG, qui ne contenait que 5 extra-européens, je fus tout d'abord rassuré par ce premier aperçu. Cependant, le retour à la réalité fut brutal car, même si l'homogénéité était de mise, l'idéologie républicaine crasse allait bientôt s'immiscer dans chaque recoin de nos actions. Un blond de type arien complet remit les pendules à l'heure dès la première marche en peloton, en nous expliquant le ton grave que les SS marchaient en colonne par 5, ce qui expliquait les colonnes par 6 ou 4 de l'armée française. Cette anecdote me laissa le sourire aux lèvres, car de là à s'imposer une formation spécifique en colonne moins pratique pour éviter d'être qualifié de fasciste, ça a de quoi faire rire. Arriva alors le soir, qui permit à la troupe de se rassembler pour effectuer le classique chant militaire. Vers 21h, les différents pelotons furent rangés par ordre en face d'un chef de peloton, nous supervisant et advisant et conseillant par la même... nous communiquant certaines remarques. Nous étions alors en ce jour réunis pour entendre un chant datant des années 30 provenant de prisonniers politiques défavorables au national-socialisme. Un des principaux chefs de groupe sortit alors cette phrase « C'est un chant courageux qui témoigne par ses paroles que malgré l'internement par les nazis, des tziganes puis des juifs montraient leur volonté de vivre libre. » Charabia classique pour justifier l'emploi par les corps d'armée français de chants à teneur communiste, en substance. D'autre part, un autre jour, un rendez-vous quotidien typique de l'armée appelé l'éphéméride, sorte de mini-concentré des infos de la journée remis la synagogue au milieu du village, d'une manière encore plus illustre, avec la quasi-totalité des informations tournées vers l'ouverture des camps de Buchenwald, mais aussi une citation de Sartre pour clore le tout. Évidemment impassible dans le rang, le fait d'entendre une telle bouillie a été une expérience désagréable, j'en conviens. Cette formation, en plus de donner des points de repère basiques de combat ou bien de self-défense, avait pour option des cours théoriques de loi encadrant les actions de la gendarmerie. Les professeurs étant d'anciens d'actifs à la retraite, boomers possédant par là même des photos d'enfants du tiers-monde sur leurs ordinateurs. Un gradé plutôt bien placé parlant à propos des interpellations désigna au détour d'une discussion certains musulmans ne voulant pas parler aux femmes lors d'opérations avec les migrants et dont la rencontre avec un gendarme féminin peut être délicate. Cependant, il précise « Attention, je les adore les musulmans, hein, pas de problème. » On sent la dernière phrase lourde de sens car elle implique une sorte de réflexe naturel d'autoprotection face à des élèves hagards à l'affût d'une certaine radicalité. Les droits de l'homme étaient aussi sujets à débat, car le droit américain, selon un de nos gradés, n'était pas conforme en raison du fait qu'en Amérique, un homme peut faire jusqu'à 500 ans de prison ou bien même aller en prison avant la fin de son jugement, voire même être innocent et aller en prison. Le sujet des migrants a finalement montré le bout de son nez, et l'anecdote cinglante fut celle d'un gradé expliquant les liens d'amitié entre un Soudanais et lui-même au cours d'un rapatriement, échangeant leurs coordonnées par la suite. Dans la salle théorique, la grande majorité des élèves paraissaient heureux à l'idée de voir une si belle amitié naître. De nombreuses autres fois, les encadrants ont dû se reprendre à la fin de leur intervention, car ayant glissé des mots comme « PD » ou « manouche », se vant donc d'avoir des amis homosexuels pour se défendre en disant « PD » par automatisme. Au final, l'expérience en vaut néanmoins la chandelle, mais au prix fort. L'investissement moral pour un jeune blanc nationaliste en découragera beaucoup, en raison donc de la suppression progressive de la libre parole qui oblige à taire ses opinions un tant soit peu trop de droite. Voilà ce qu'il voulait nous dire. Alors, on avait déjà parlé de toute façon de cette expérience très en détail, hein. Il y avait eu d'autres témoignages, mais disons qu'il y a là ce qui m'a frappé, que j'ignorais, c'est par exemple les chants antifascistes. Les chants antifascistes. Ah bon, j'ignorais. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des chants antifascistes dans la gendarmerie. Ah, je ne savais pas. Il y a carrément, bon, ça fait plusieurs années, mais il y a carrément le chant des déportés, le chant des marais. Le chant du marais, hein. C'est dans l'armée, quoi. D'accord. Il y a aussi, bon, le chant des partisans aussi, bien sûr. Hein, oui, ça, oui, je savais. Oui. Donc, ceux qui sont des chants communistes, hein, faut savoir, le chant des partisans, là, ces saloperies qu'on entend régulièrement, écrit par un juif. Par un révolutionnaire juif assoiffé de sang qui veut saigner du blanc. C'est ça la thématique du chant des partisans. C'est indiqué clairement dans la chanson. Oui, oui, c'est ça, voilà. Donc, il y en a qui le reprennent. Ami, entends-tu ? Oui, non, c'est... c'est rabbin, entends-tu ? Voilà, c'est ça, c'est un appel à la synagogue. Hein. Voilà, juif sort de l'ombre, va planter, quoi. C'est ça que ça veut dire. Bon. Un appel pour Pessah. Un appel, exactement, exactement. Donc voilà, mais c'est un chant officiel de la République française, mais la République française étant un État juif, ça tombe sous le sens. Alors, on dit souvent qu'il y a un État juif dans le monde, c'est Israël. Non, il y en a deux. Peut-être trois avec les États-Unis, mais certainement deux avec la France. Alors mes amis, brièvement peut-être sur la gendarmerie, peut-être en tant que corps constitué même, hein, je veux dire. Ouais, enfin, bon, alors le jeune rêvait de grandes aventures militaires et il avait opté pour la gendarmerie. Ah, oui. Alors, non, non. Déjà, oui, c'est pas le bon endroit. Là, tu vas faire chier des gens sur les routes. Voilà, non, il fallait aller voir les paras si tu voulais de l'action. Mais non, si tu veux des. Non. Alors, Derek, tu m'as dit que tu voulais dire quelque chose. Oui. Bon, alors, le schisme, quoi. Hein, c'est le coup des colonnes par 5, là, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est une invention de la part de ce sous-officier-là qui intervient en disant ben voilà, j'en ai jamais entendu parler, mais. Moi non plus. C'est vrai que, ouais. Bon, mais bon, ça m'étonnerait pas. Enfin, ah non, ça ne m'étonnerait pas. Ou alors ils ont inventé ça, et puis le truc, ça fait des années qu'ils se le transmettent entre eux. Oui, c'est peut-être une boutade. Sachant plus trop si c'est vrai ou faux. Non, mais je pense qu'il y en a qui doivent croire que c'est vrai, peut-être. Hein. Mais, ah bah là, à mon avis, celui-là s'en faisait même une gloire. Hein. Oui. Ah oui. Ouais, c'est ça. Alors la gloire, donc, antifascisme, enfin antinazisme délirant, donc... c'est-à-dire qu'on ne marche pas comme les autres marchent, tu vois. Bon, Dommage qu'on ait pas trois jambes ou autre, quoi. Ça aurait été marrant de voir si on se fait couper une jambe pour pas faire comme les nazis, quoi. Bon, c'est une débilité profonde. Bon, les chats, on en a parlé. Les droits de l'homme. Alors, droits de l'homme. Alors, les États-Unis, c'est terrible. Là, c'est un officier qui s'exprime et il dit, en gros, ils disent, ouais, non, l'Amérique, c'est pas vraiment une démocratie, il n'y a pas de droits de l'homme et tout, ils mettent les gens en prison sans raison, ad vitam aeternam. Il malmène les nègres, hein, quand même, tu vois. Oh là, je suis sûr que ils ont dû aborder le nègre, là, le nègre à dreadlocks. Dans les trucs communistes, il y avait des affiches partout pour lui, là. Abou Jamal, je sais pas si ça te parle. C'est qui ça, Abou Jamal? Condamné à mort ou condamné, je sais plus, un nègre qui avait tué quelqu'un. Et bon, en gros, il y en a qui disaient, oui, non, mais le nègre n'a rien fait, c'est un nègre, Dieu, etc. Et Dieu, non, c'était les communistes, c'était vraiment les rouges. Et donc, voilà, ça chiale, ça chiale. Tu veux dire, ils avaient fait une thématique Amnesty International, etc. D'accord. Tu veux dire que ce nègre était détenu aux États-Unis et les rouges, le marxisme international, on avait fait une espèce d'icône, c'est ça que tu veux dire en fait. Voilà, ouais, c'est ça, ah, il y a une quinzaine d'années. D'accord. Oui, non, mais ça me dit quelque chose, mais j'arrive pas à situer. Je vais te retrouver une photo tout à l'heure. Je pense que Tout sauf ça. Non. Il n'y a pas de droit de l'homme aux États-Unis, on met les nègres en prison. Exactement. Bah, je reprendrai après les autres points, parce que c'est vrai qu'il y en a pas mal. Titus, peut-être, si tu as quelque chose là-dessus. Ça me rappelle. J'avais un ami qui, il y a quelques mois, hésitait, qui se disait, il hésitait entre tenter l'armée et commencer un apprentissage de plomberie. Et on était plusieurs à lui avoir tous dit la même chose, ne fais pas l'armée, parce que si tu fais l'armée, tu vas juste devenir un jouet entre les mains de ceux qui ont le pouvoir, parce que l'armée, c'est la grande muette, c'est celle qui ne décide pas, qui va exécuter, qui fait de l'humanitaire quand on lui dit de faire de l'humanitaire, même si c'est ridicule pour la mission d'un militaire, qui va servir de taxi, comme les gardes-côtes italiens, taxi sur mer pour les clandestins, etc., etc. C'est oui, on lui disait, ne va pas risquer ta vie pour un truc qui est absolument à 100 lieues de toute notre cause, entre guillemets, nos intérêts. Parce que c'est vrai que l'armée, ça continue à exercer quand même un petit peu, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, parce que maintenant, les affiches de propagande de l'armée, de recrutement, il y a quasiment que du nègre. On voit vraiment à quel point la France est devenue une puissance africaine, mais même il y a encore 5 ans, c'était pas le cas. Donc je me dis, il y a encore 5 ans, un blanc qui avait pas beaucoup d'expérience de la vie, qui avait envie de se solidifier, il pouvait être tenté par l'armée parce qu'il avait encore l'image un petit peu ancienne, l'armée, l'institution virile dans la tête. Sauf que c'est une très mauvaise idée parce que si tu fais ça, tu vas juste recevoir des ordres du pouvoir, c'est-à-dire de qui on sert, de nos meilleurs alliés qui ne nous veulent que du bien. Et c'est tout, ça n'ira pas plus loin. Et si tu commences à avoir un peu la tête chaude et essayer d'être de droite, là, tu vas te faire remarquer négativement et ça peut aller loin, mais négativement aussi. Donc, on était plusieurs à lui avoir dit non, mets pas les pieds dans l'armée, fais plombier. En plus, plombier, ça rapporte bien vu qu'en France, ça manque de métiers manuels qualifiés. Et fais ta vie et gère ta vie toi-même, quoi. C'est ce qu'on lui avait dit. Et on était plusieurs et moi, je le regrette pas, en tout cas, de lui avoir conseillé ça. Ouais, on avait eu un témoignage. On n'a pas qu'un, on a eu plusieurs témoignages. Un particulièrement qui était. C'était un membre d'un régiment d'élite qui avait. Régiment d'élite, mais qui nous avait dressé le tableau. Complet, à peu près complet. Tableau, voilà, très, très, très complet sur l'état de certains régiments qui étaient carrément. C'était l'armée d'Afrique, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Et d'autres, et qui sont en passe de le devenir, sauf, bon, bien entendu, les régiments d'élite, où là, ça reste très blanc, quoi. Ça reste très blanc. Donc, si vous voulez l'aventure, c'est effectivement, ça va pas être la gendarmerie, quoi. La gendarmerie, tu vas te retrouver moi, j'en vois, des fois, des sacs, à cuche. Ah là là là là. Ah putain, elles ont les bourrelets qui dépassent du pantalon, c'est ignoble, ignoble. Alors le pantalon bleu de bon goût, c'est un truc comme ça, évidemment. Ouais, oui. C'est ça. Non, c'est horrible. Vous voyez la négresse là, Precious là. J'ai vu des trucs qui ressemblaient à ça de chez les gendarmes déjà. Ah oui, ils ont non, parce que c'est vrai que les tests physiques pour les nanas, c'est oui, c'est en gros parce que tu arrives à lever le pied. Oui, mais tu peux. Ah ben voilà, c'est parfait, il n'y a pas de problème. Oh ouais, non mais attends, lever le pied, ça dépend. Si c'est une antillesse, c'est uniquement les jours pairs. Hein. Ah bah oui. C'était mis comme ça, effectivement. Au secours, quoi. Les grosses, ou alors les nanas, effectivement, avec des problèmes hormonaux. Non, pas les grosses. Non, pas de grossophobie, là. Oh là là là, donc vers quoi tu m'amènes, là? Non, mais l'autre, il nous parle des nanas prognates aussi. C'est-à-dire que tu as des espèces. Ouais, oui, tatoué. D'ailleurs, c'est pas exclusif. Hein. On peut être prognate et avoir un tatouage en plus en étant une femme. Quoi. Et en surpoids. Voilà. Charles Bronson, quoi. Charles Bronson, voilà. Non, mais c'est. Alors, les affiches de gendarmerie, ça aussi, c'est tout un poème. Ça fait pratiquement concurrence maintenant avec l'armée de terre. Bon, l'armée de terre, ils ont oublié les blancs. Hein. Bon, ça, ils ont fait une croix dessus. J'avais bien aimé, vous savez, parce qu'il y avait eu cette phase avec le soi-disant général De Villiers, là, vous savez, le frère de l'illustre politicien. Et alors, il était à l'origine d'une initiative en banlieue avec une association de sport, je sais pas quoi. Et alors, mais il n'avait que des compliments à donner à cette engeance, quoi. C'était. Et ce mec-là, vous voyez, qui est un gland mou, enfin typique, quoi, je veux dire, le très probablement franc-mac. Je vois pas comment un chef d'état-major serait pas franc-maçon en France, ça me paraît totalement impossible. Donc là, mais quand même, catho type Vatican II, tu vois, qui doit se dire, ah bah oui, on peut être franc-maçon, machin. Bah, le type a vraiment coché toutes les cases, tu vois, républicaines, il n'y a pas de problème, hein. Et alors, quand tu dis que ça, c'est ça a été une des figures de proue, pas la seule, mais une des figures de proue, bah, ça te dit à peu près l'ambiance générale dans l'armée. Donc, à l'exception de quelques secteurs, le gros est à l'image de la société. Hein, faut pas se raconter de bêtises. Oui, ouais, je pense quand même. Ah, attends. Non, vas-y. Ouais, je pense quand même qu'il y a au moins un lieu dans l'armée qui doit être relativement préservé, c'est le commando Uber. Parce que déjà, c'est un commando d'élite, donc il faut être quand même performant, enfin, et physiquement et mentalement pour y rentrer, mais surtout, le commando Uber, ce sont les plongeurs d'élite. Donc ceux qui peuvent passer éventuellement des heures et des heures dans l'eau sans ressortir, qui sont absolument excellents. Et surtout qui aime l'eau, parce que pour plonger niveau armée d'élite, il faut vraiment aimer l'eau, parce que les noirs sont en général pas très bons en natation. Il n'y a pas de champion noir en natation. C'est vraiment le sport où ils font défaut. Donc là, je pense que pour des raisons simplement physiologiques, le commando Uber, ça doit rester blanc, peut-être éventuellement, je sais pas, un tout petit peu arabe ou asiatique, mais un tout petit peu, mais noir, je pense pas, parce que ça me paraît très improbable. Encore que, la France étant une cour des miracles, peut-être que les terres nègres nous gratifiera d'un nègre plongeur. Tout est possible. Alors, il y a des nègres nageurs, hein. Oui, la famille Métella ou Métala, je sais plus, tu as le frère et la sœur, cette espèce de nègre. Il y a le frère donc, qui est un nègre, et puis la sœur qui est un nègre avec des seins. Quoi. Voilà, c'est ça. c'est le principe. Non, mais il flotte. D'armoire à glace, quoi. Je sais pas s'il flotte. Hein. Ils doivent les truquer parce que le nègre, ça coule normalement. Hein. Ça ne flotte pas dans l'eau. Ils ont dû leur injecter des substances dans leur sang. Plus légères que l'eau pour qu'ils flottent. Je suspecte les apprentis sorciers. Hein, des différentes oui. Différents organismes de formation d'expérimenter de mettre du liquide à basse densité dans ces nègres, hein, c'est tout à fait possible. Oui, on peut faire confiance au parce que le ministère des sports, hein, c'est pratiquement oui, enfin, c'est... En fait, il y a marqué ministère des Sports du gouvernement français, mais il faut savoir que son autorité s'exerce sur toute l'Afrique de l'Ouest. Il faut quand même le savoir. Et donc, ça nous donne des miracles. Et le canard à cinq pattes, dont le canard à cinq pattes qui nage, qui est donc le nègre nageur. Donc, qui sait, peut-être que la France va pondre des nageurs de combat nègres. magique, truqué, avec des boîtes électriques, avec des hélices, je sais pas, mais tout est possible. Tout est possible, surtout en France. Impossible n'est pas français. Je me permets de te le rappeler. Je le concède. Je le concède. Alors, monsieur, quelqu'un veut-il rajouter quelque chose sur cette expérience de gendarmerie Quant à la formation, elle nous parle des dérapages que font certains formateurs. Ah oui, PD, ils disent... PD, des nègres, etc. Ou les, non, ils n'ont pas dit nègres. Ils n'ont pas dit nègres, autant pour... Oui, PD et Manouche, PD et Manouche. C'est vrai, les nègres, ça me vient rapidement, mais c'est vrai que... Oui, moi aussi. Ouais. Ils ont plus cette habitude, là, malheureusement. Mais bon, donc les musulmans, ouais, c'était les musulmans. Ils parlaient des musulmans qui veulent pas serrer la main des fois, des femmes, bon, etc. Et qui veulent pas, en allant rendre secours aux migrants, en plus, quoi. Les missions de la gendarmerie, quoi. Oui, c'est-à-dire que le type explique qu'il a noué une amitié avec un migrant soudanais qui l'expulse. Oh, putain. Oui, mais attends. Puis un gradé, en plus, attention, c'est pas juste un... Non, mais c'est pas ça. Il y en a un qui explique, enfin, un formateur, qui a eu des problèmes avec des musulmans qui ne voulaient pas parler aux femmes. Comment dire, lorsque la gendarmerie allait recueillir des migrants. Hein, Oui. Voilà, c'est les missions. Bon, notre ami là, qui veut avoir de l'action. C'est-à-dire qu'il va, la seule action qu'il va avoir, c'est être un ventilateur à nègre. Hein. Il va les ventiler partout, il va les chercher pour les catapulter à Lourdes, par exemple, chez notre auditeur précédent. Ou à Lille. Pour avoir un étal et vendre de la viande de singe hein, en public, c'est merveilleux. Hein. Alors, avec les viandes à variole. Les missions de merde, les types qui parlent mais qui se reprennent vite. Oui, non, mais j'adore les nègres, j'adore les arabes, etc. Et effectivement, oui, comme et les femmes, à la barbe, etc. Et à la fin, oui, il nous dit, oui, je cherchais la libre parole. Cher ami, la libre parole, elle n'est plus vraiment en France. Hein. Elle a disparu avec lui. Hein. Oui, puis la libre parole à l'armée, c'était quand même... Oui, c'était pas là que ça se passait. Mais... Non, c'est bon, c'est... Enfin, c'est intéressant, c'est bien un jeune qui voulait quand même faire quelque chose pour son pays, et qui a découvert que son pays ne voulait pas faire grand-chose pour lui, si ce n'est du mal, éventuellement. Éventuellement lui faire du mal. Mais guère plus. Oui, alors, par contre, ça c'est vrai que t'as raison de souligner ce point-là, ça m'avait un petit peu échappé. Oui, c'est le passage avec la salafisation progressive de la gendarmerie. On risque de voir de plus en plus de gendarmes avec une belle barbe. Nos gendarmes salafistes qui ne veulent pas sauver nos nègres, tu vois, de Méditerranée. Oui, et qui ne veulent pas parler aux femmes. Alors ça va être gênant, vu qu'on recrute de plus en plus de femmes en surpoids. L'intersectionnalité, il va y avoir un problème. Ça va se transformer en intersectionnalité de droite, je pense. Il y a des chances. Voilà. Bon, en tout cas, merci à notre jeune auditeur de nous avoir témoigné de son expérience. Et c'était Jean qui nous écrivait. Came alive. Nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 4, épisode 36. Alors, une belle histoire qui va nous amener vers l'éducation nationale, et c'est l'histoire d'un prof, hein, c'est l'histoire d'un prof de gauche, comme on les aime, comme on les affectionne, ceux qu'on a connus tous, hein, forcément, chacun à notre niveau, qui, en fait, pourrait avoir comme une espèce de révélation. À la faveur, en fait, hein, d'un quotidien difficile, dans un environnement passablement diversifié. Et donc, il raconte, en fait, hein, son vécu sur Twitter. Son compte, c'est Prof Anonyme. Prof Anonyme sur Twitter. Et donc, il raconte, en fait, un petit peu sa vie en tant que professeur. Et il explique que, voilà, parmi d'autres choses, il explique à un moment donné, bon, il y a l'histoire des pauses pour aller aux toilettes en cours, et il explique pourquoi il est contre. Voilà. Et à la faveur de ça, il va développer, et on pourrait se dire que voilà, il est en voie de guérison. Vous allez voir que les choses sont un peu plus compliquées que ça. Alors, Prof Anonyme écrit donc en début septembre sur son compte Twitter. Alors, c'est un fil avec des fautes, puisque j'ai prévu de ne pas me relire, vu l'heure et l'énervement, je veux juste lâcher ça comme ça, brut. Le thème, l'autorisation aux élèves de collège d'aller aux toilettes en plein milieu d'un cours. Je suis donc totalement contre, et pire que cela, au risque de me mettre beaucoup de gens à dos, je considère ceux qui les autorisent comme de gros irresponsables. Je ne sais pas dans quel monde des bisounours sont leurs collèges. Mais dans ceux que j'ai connus, le plus courant était des demandes massives de beaucoup d'autres élèves pour y aller aussi. C'est injuste, pourquoi lui il peut sortir et pas moi, suivi d'un argumentaire sans fin qui pourrit totalement le cours. Donc, néfaste pour tous les élèves de la classe qui perdent au moins 10 minutes de cours pour en finir avec ça. Un autre cas aussi très courant est que l'élève qui va aux toilettes va aller déranger tous les autres cours sur son chemin de manière diverse. Soit il interpelle un élève qu'il connaît dans une autre salle de cours, soit il crie une insulte au prof et part en courant, soit il vole un stylo dans la première trousse et part en courant, etc. Dans ce cas, en plus de nos élèves, on a réussi à déranger l'apprentissage de toutes les classes qui étaient sur le chemin des toilettes. Avec une fréquence moyenne, l'élève hors du cours en profite pour déclencher l'alarme d'incendie du collège, provoquant immédiatement l'évacuation du bâtiment entier. On a réussi à déranger l'apprentissage de toutes les classes qui étaient sur le chemin. En plus de perturber très fortement l'apprentissage de l'ensemble des 600 élèves du collège, cette fois il les met aussi tous en danger. Des bousculades ont parfois provoqué des blessés. Les pompiers ont dû intervenir pour les amener à l'hôpital. Dernier cas, l'élève en dehors des cours qui possède un briquet dans sa poche déclenche un feu dans la cage d'escalier. Dans un collège vieux de 60 ans, des morts auraient pu arriver. Heureusement, le détecteur de fumée a déclenché l'alarme et le feu a vite été maîtrisé. Cette fois, on dépasse le stade de l'apprentissage perturbé pour atteindre l'homicide involontaire de masse potentielle. Toutes les situations que j'ai décrites, je ne les invente pas. Je les ai tous sans exception vécues plusieurs fois. Et j'assume. Et ceux qui ne sont pas contents, c'est pareil. Personne ne sort de mon cours, c'est tout. Et ceux qui m'insultent pour cela, allez vous faire foutre. Jamais je ne changerai ça. À vos yeux, je ne respecte même pas les besoins humains les plus élémentaires, blablabla. Alors, il termine là-dessus, et évidemment, y a des gens qui interviennent, qui lui font observer, ah bah oui, mais peut-être que votre classe est composée aussi d'une certaine clientèle. Hein. Peut-être alors, que l'ensauvagement aurait rapport avec certaines sauvages. Ça, voilà, il y aurait peut-être un lien de cause à effet. Alors là, il répond, il dit... Non, mais je suis assez d'accord avec le fait que l'immigration sous sa forme actuelle est mal gérée, donc c'est un problème. Mon tweet était très ciblé uniquement pour dire que que les gens du RN disent de la merde à ce sujet. Aucune généralité est à tirer d'un exemple de français ingérable. Voilà, donc français ingérable, hein, donc les élèves en question. Aucune généralité n'est à tirer non plus d'un exemple d'un immigré qui s'intègre au point de devenir le meilleur de la classe. La seule généralité que j'ai faite, c'est sur le RN, qui sont de gros connards avec des raisonnements faux pour attiser la haine. Il continue. Parce que là, il réagit en fait à quelques jours plus tard quand des gens ont noté sa discussion. Il lui avait fait observer ce que j'ai dit, quoi. Donc, et là, il en remet une couche, quoi. Quand j'entends que le problème de l'école, c'est les immigrés, mon vécu décrit dans ce tweet sert de contre-exemple pour prouver qu'ils disent de la merde. Et quand on lit les réponses, c'est bien ce que je pensais. Ils ne parlent même pas d'immigrés, mais de noirs et d'arabes. Qui sont français? Et ils peuvent toujours vouloir les renvoyer dans leur pays, c'est la France, donc bon, faut faire avec. Peut-être que s'ils se prenaient moins de haine gratuite chaque jour, ils seraient plus sympas avec les blancs qui les ont opprimés dans le passé et qui tiennent des propos racistes contre eux. Alors il dit, et là il enchaîne et disait maintenant les racistes qui m'interpellent, etc. Je vous bloque. Ça se termine là-dessus. Alors en fait, c'est juste un point de départ, cette discussion. Mais là vous avez le cas d'école typique, vous voyez, d'aveuglement volontaire au nom de l'idéologie, antiraciste, vivre ensembliste, diversitariste, appelez ça de tous les néologismes que vous voudrez. Mais l'éducation nationale, les établissements scolaires et cette caste qu'on appelle les profs, qui sont aujourd'hui en France aux alentours de 880 000, quand même, et je compte pas les retraités, c'est-à-dire que vous avez bien plus d'un million de personnes qui gravitent autour de ce ministère, qui a en charge les jeunes en France, et notamment les jeunes de race blanche et les autres. Donc c'est un peu la matrice de tout, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que c'est là que les gens, toutes les personnes, reçoivent une empreinte, la première grande empreinte dans leur vie. C'est à l'école, c'est là où on va leur inculquer des réflexes dans les groupes, etc. On va leur dire, faut pas faire ci, faut pas dire ça, il faut s'y prendre comme ci, il faut pas s'y prendre comme ça. On va punir aussi, même si on punit de moins en moins, mais je suppose que quand un petit blanc pourrait passablement paraître un petit peu sceptique sur les apports d'enfants... musulmans, peut-être. Là, je pense qu'il y a un peu plus d'autoritarisme. Bref. Donc, le rôle des profs est absolument central, je pense, dans la merde actuelle. J'ai même envie de dire, c'est incontournable d'aborder ce problème-là. C'est un peu drôle, d'ailleurs, parce que c'est un peu le retour de bâton, c'est qu'en ayant voulu la société multiraciale au nom du tiers-mondisme, du misérabilisme, de l'antifascisme, de l'anti-autoritarisme, etc., ils sont les premiers à recevoir les pelletés de nègres, les pelletés d'Algériens, etc., qui se déversent sur la France. Ah ouais, ils sont les premiers, ils les reçoivent. Et on serait en droit de se dire, ça peut être marrant comme expérience de prendre un peu le retour sur expérience, justement. Et là, vous avez un cas d'école, c'est le cas de le dire. Et bien sûr, c'est mon sentiment, le lavage de cerveau collectif est tel, surtout dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu assez fermé quand même, le milieu des profs, non, rassurez-vous, même à demi égorgé, gisant sur le sol, il ne va pas devenir raciste. Ça, c'est tout à fait entendu. Hein. Ça n'arrivera pas. C'est religieux, ça sera radical jusqu'au bout. Alors du coup, là, je vais poser la question... C'est résumé, quoi. Il résume bien, là, le type, là. Quand il dit que il dit, oui, quand j'entends que le problème de l'école, ce sont les immigrés, ouais. Mon vécu d'écrire ça sert de contre-exemple pour prouver qu'il... Bon, c'est pas pourquoi ça sert de contre-exemple. Mais non, il dit, oui, l'immigré qui veut devenir le meilleur de la classe. Ah oui, d'accord. Oh, oui, bon. Donc encore un canard à cinq pattes, quoi, mais enfin bon... Oui, voilà. La France. Il ira faire de la natation, lui aussi, tiens. Comment ça s'appelle? Il dit oui, ceux qui viennent me taquiner, oui. Là, ils ne parlent pas d'immigrés, ils parlent de noirs et d'arabes. Ben oui. Et là, tu te rends compte que le type est totalement à l'ouest. Le type résonne en situation administrative. Il est carrément coupé de la nature. Lui, sa vie, c'est le fonctionnariat. Quel indice je vais avoir, mes points de retraite, mes congés, etc. Quand c'est que je vais avoir mon avancement qui est prévu de toute manière. Enfin, tous ces mecs-là vivent. Ils sont que ça. Ils ne sont qu'une créature qui vit en communion avec l'administration. Et donc, quand on parle de noir et d'arabe, ça n'existe pas au plan administratif. Il y a des Français, c'est tout. Donc le type, il peut pas comprendre. C'est vraiment une créature du futur, hein, ce genre de truc du futur, du présent même. Enfin, c'est moche, c'est très moche. Hein. Bah, c'est une Euh, c'est une ces créature gens-là, c'est une créature du soviétisme français, quoi. ouais, c'est le soviétisme, l'homme nouveau du soviétisme français, quoi. Ça donne ça. C'est-à-dire des fous, des trucs complètement fous qui tu vas te parler Ah en oui, catégorie là c'est là, administrative. c'est Il te parle en catégorie administrative, tu sais. Immigré, tu es immigré, oui, alors c'est immigré, c'est. Qui est là, qui est arrivé entre 1972 et où les parents sont arrivés entre 1971 et 1978, mais après c'est pas pareil, après, bon, après c'est un Français de souche, enfin, bon, non mais tu vois un peu, c'est dans cet Bah, autisme-là que ces gens-là sont réduits, quoi. tu vois qui sont ces gens, puisque ensuite, de ce milieu-là, de ce milieu du professorat, que ce soit, alors il y a le petit professorat de collège ou le professorat de lycée, puis vous avez après le grand professorat, celui d'université, et tous les experts que vous voulez défiler sur les plateaux de télévision, c'est-à-dire les démographes, etc., sont ce qu'on appelle, entre guillemets, des chercheurs. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des professeurs d'université, mais qui continuent d'être, comme ils disent, dans la recherche. Alors c'est dommage, parce qu'en démographie en France, ça fait 40 ans qu'ils cherchent, ça fait 40 ans qu'ils trouvent rien. Parce que, alors que moi j'ai jamais fait de démographie, mais j'ai compris tout de suite. C'est-à-dire que j'ai vu l'éléphant au milieu de mon salon, un très bel éléphant, hein, magnifique, splendide, vraiment. On ne pouvait pas le louper, mais eux ne l'ont pas vu. Donc eux, ils vous disent, mais comment, le Front Non National. seulement ils l'ont pas vu, mais ils sont payés pour t'expliquer ce que tu vois, en fait tu le vois pas. C'est ça, bah Tu t'es trompé. ils te disent, mais attendez, que raconte le pénis, excusez-moi, je veux dire, le niveau d'immigration est stable en France depuis 1930. Qu'est-ce que vous dites, tu vois, c'est ces connards-là que tu vois sur les plateaux de télévision. Alors, il y en a un notamment qui s'appelle Weil, hein, un gros juif ignoble, mais alors lui, c'est vraiment la caricature de Youtron de gauche, enfin vraiment, enfin, bon, voilà, mais il est démographe, et voilà, et truc. Il y en a un autre Il y a aussi, là, aussi c'est pas un juif, c'est Le Braz, hein, un en fait. breton, Oui, oui, le Braz, le hein, bras. communiste, oui, alors par contre, lui, je dois bien dire qu'il ne porte pas la Bretagne dans son cœur, et il se cache pas d'ailleurs de le dire. Donc c'est drôle, hein, mais c'est quelqu'un qui hait la Bretagne. C'est un Breton qui hait la Bretagne. Donc quand on vous dit que c'est psychiatrique, ça commence par ça, visiblement. Donc la haine de sa propre race, la haine de sa propre origine. Et alors, oui, bah lui, c'est pareil. Enfin, lui, c'est le Parti communiste. Hein. Voilà, là, c'est très clair, quoi. Oui. Et alors, donc quand vous voyez des gens comme ça sortir d'une matrice comme ça et en 2019, 2018, 2019, 2020, oser encore dire des trucs aussi ouvertement aberrants, je veux dire, on a donné des anecdotes, là, de gens ils vont à la braderie de Lille, d'autres qui vivent à Lourdes, comment dire, et il y en a encore qu'on a une autre personne, enfin, tellement d'anecdotes qu'on a livrées, bref, où les gens le voient, les gens le voient. Hein, c'est pas le fruit de leur imagination. Ils le voient, ils l'observent. D'année après année, ils voient que ça s'empire. Mais t'as encore des types qui peuvent venir te dire sur des plateaux de télévision, sur des plateaux de radio, sans trembler, te dire, mais des immigrés, où ça? Moi, j'en vois pas. Et ces gens-là sortent de la matrice de l'éducation nationale. On peut pas comprendre ces gens-là si on voit pas la matrice soviétique dont il procède. On peut pas comprendre. Et pour moi, c'est central de comprendre ça parce que c'est déjà un milieu, si vous voulez. Enfin, c'est déjà un environnement ou un milieu où, de toute façon, il y a un phénomène de centrifugeuse. C'est-à-dire que le déviant va être cassé, mais normalement, si le boulot est bien fait, le déviant ne peut pas rentrer dans l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il est filtré à l'entrée. Donc il n'est pas Il y censé a du pouvoir entrer. profil, il y a du profilage, il y a du Ah oui, intensif. ouais, intensif, ça fiche quoi, ça fiche au maximum. Ça fiche, ça profile, ça stocke. Il faut savoir que ces mecs-là. Les gens savent pas ça, on va décrire peut-être un petit peu. Vous avez donc les rectorats. Alors, les rectorats, c'est l'administration régionale de la branche de l'éducation nationale dans cette région, d'accord ? Bon. Vous avez ce que tout le monde connaît, qui sont les inspecteurs d'académie, mandatés par le rectorat, pour surveiller politiquement les profs. Les gens doivent savoir ça. Donc, vous avez déjà des gens, si vous voulez, qui sont pénétrés d'idéologies égalitaristes, alors plus ou moins radicales, plus ou moins consciemment. Hein. Je veux dire, vous avez des gens qui sont très très dogmatiques, vous en avez d'autres qui le sont beaucoup moins, et vous avez probablement quelques types un peu perdus là-dedans, qui partagent même pas ses idées, mais qui rasent les murs. Mais au-dessus de ça, vous avez la police de l'éducation nationale qui veille à ce qu'il n'y ait aucune déviation, même d'un moindre millimètre, tant sur la méthodologie appliquée. Alors là, intéressez-vous à ça, hein, sur le pédagogisme, vous avez des choses à apprendre probablement, ou à redécouvrir, mais aussi sur le fond. Alors si jamais, par hasard, un inspecteur d'académie vous soupçonne de douter des bienfaits du régime républicain, de la diversité, ça, vous êtes fini professionnellement, c'est terminé. Vous allez passer en commission de discipline, ça, c'est fini. Donc, faut bien voir tout ça. Faut bien voir tout ça. Ce qui va vous donner donc l'usine à fabriquer des tarés, qu'on appelle l'éducation nationale, qui sont des gens, si vous voulez, donc 1 million quand même de personnes. Hein, je crois qu'il faut aller chercher en Chine pour trouver des administrations plus pléthoriques que ça, pratiquement. Oui. Permets-moi de rappeler que jusqu'il y a très peu de temps, je crois que c'est Hollande qui avait mis fin à ça. Mais auparavant, les profs qui étaient chopés pour genre détention d'images pédophiles ou attouchement, ouais, etc., ils étaient mutés. Hein. Ils n'étaient pas exclus de l'éducation nationale. Donc, ah, c'est intéressant. Il y a, si tu veux, un tri qui est fait, une chasse au nauséabond, c'est-à-dire au type qui va. Lui, non, mais lui, il voit la réalité, il est pas comme nous, ça va pas. Ouais. Un type de droite, s'il veut rentrer, il va se faire dégager de partout, c'est mort pour lui. Et si par hasard il a réussi à rentrer, ben on va le faire chier jusqu'à ce qu'il se barre de toute manière. Hein. Et par contre, bon, si un petit viol de gamine, bon, hein, ça va quoi. Ouais. Bah oui, bon. Alors, pour ajouter un peu là-dessus, c'est récemment, il y a eu une polémique dans un institut parisien, j'ai oublié le nom, où ils forment les professeurs des professeurs. Vous m'en voudrez pas, j'ai oublié le nom de cet institut. L'UFM, peut-être ? C'était pas l'UFM, c'était quelque chose de... Je sais plus lequel. Mais un peu oui, c'était la même finalité, quoi. Et alors, pendant un cours magistral en amphithéâtre, pour nos oncles juniors, ils ont, c'était de la sociologie, il y a une image qui est diffusée sur, comment on appelle ce système-là, vous savez, c'est rétroprojecteur, quoi. Rétroprojecteur. Et il y a la mention caucasien-africain. Donc la question tourne en fait autour de, je crois que c'est l'affect, les émotions, l'affect, et comment le groupe influe sur la transmission de l'affect ou la capacité à l'affect, etc. Et il y avait une comparaison entre les Africains et les Caucasiens. Bon, voilà. Alors, ça a déclenché un véritable appel au lynchage à l'intérieur de ce truc, en se disant, mais comment peut-on utiliser des catégories comme Africains et Caucasiens ? 2019, en France, vous pouvez même pas mentionner l'existence d'Africains. Je ne sais pas si vous voyez le degré de radicalité du marxisme ambiant dans ces trucs-là, qui forment les profs du futur. C'est-à-dire que si vous êtes un candidat au professorat, vous serez tenu de passer par ces structures-là, et vous serez tenu de réussir aux différentes épreuves qui vous sont soumises, voyez ? Donc vous allez être évalué, etc. Vous imaginez bien que si vous êtes normalement structuré mentalement, vous ne pouvez pas réussir. Ouais, sauf à mentir ouvertement, mais d'une manière extrêmement sophistiquée pour essayer de brouiller les cartes. Mais en gros, vous êtes contraint de devenir que ça vous plaise ou pas, un marxiste. Vous voyez ? Alors vous choisissez la catégorie de marxisme, vous êtes obligé de devenir un marxiste. Et d'être dans le déni racial le plus absolu. C'est-à-dire que vous ne pouvez même pas observer ce qui est observable. Vous ne pouvez pas observer un Africain. Vous ne pouvez pas. C'est interdit. Donc ces gens sont des religieux, ils sont très radicaux. Plus le temps passe, plus ils sont radicaux. Mais le problème, c'est que la réalité dit autre chose. Parce que paradoxalement, tous ces gens-là, ensuite, d'ailleurs très hypocritement, beaucoup essayent de se tirer des académies qui sont truffées de nègres, à commencer par l'éducation nationale, par l'Île-de-France, mais ça c'est autre chose. Donc enfin, il y a beaucoup de... Entre les actes et les paroles, si vous voulez, c'est toujours intéressant de voir où ces types essayent de se faire muter. C'est toujours révélateur. Parce qu'il n'y a pas un white flight uniquement au niveau de la société civile, je veux dire. Chez les profs aussi, il y a un white flight, hein, ça existe. Donc les catégories raciales, vous voyez, ils savent les comprendre quand ça les arrange. Donc ces hypocrites, mais très dogmatiques, passent par ces écoles-là, et donc quand ils ressortent de là, bon, bah, ils sont complètement embrigadés, quoi. Donc quand le réel revient dans leurs dents, une fois qu'ils sont dans leur classe, là, il y a un effort psychique intense, parce qu'ils doivent essayer de relier l'obligation de conformité à l'idéologie, qui en cas, comme j'ai dit, en cas de manquement, est durement sanctionné, et ce qu'ils vivent au quotidien. Donc les types, c'est le grand écart permanent. Donc si j'ai un problème avec le ramassis de nègres et d'arabes en face de moi, ultra agressif, à la limite qui essaye de me lyncher, même s'il me croise dans la rue ou quoi, ce n'est pas motivé racialement, ce n'est pas motivé génétiquement, ce n'est pas lié à la culture qu'engendre leur race, etc. Non, ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'environnement social. Et alors là, en avant la musique pour la masturbation intellectuelle, hein, pour trouver des excuses sociales à l'agressivité des crouilles, ça y va, là, vous voyez. Donc voilà, bon, c'est ce que je voulais en dire. On ne peut pas minimiser le rôle de ce ministère, et surtout de cette créature qu'on appelle le professeur des écoles. Des collèges et des lycées. Qui veut peut-être me parler soit de l'éducation nationale, de sa propre expérience dans l'éducation nationale, ou simplement de l'anecdote en question qui était assez drôle finalement. Qui veut me dire quelque chose là-dessus? Oui, je veux bien commencer, si vous le voulez. Oui, je t'en prie, bien sûr. Oui, alors j'ai eu l'occasion de passer un petit peu par l'IUFM. Alors j'ai jamais terminé le cursus, mais j'ai vu de l'intérieur ce que c'était, j'ai pu valider quelques crédits assez peu utiles d'ailleurs en IUFM, donc j'ai pu voir de l'intérieur ce que c'est. Et l'IUFM, c'est quelque chose qui date, c'est-à-dire que les profs, ils sont biberonnés à une espèce de philosophie qui est très particulière, qui va complètement assécher le monde et essayer de le réduire à des catégories abstraites, et ce qui ne rentre pas dans ces catégories doit être ignoré. Là, quand on regarde les tweets du prof, il est tout le temps, oui, des élèves, un élève fait ceci, si des élèves cela, etc. Ce sont des êtres abstraits. On a l'impression que ce prof n'a pas d'être de chair en face de lui. Il n'y a pas de vraie personne devant lui. Il y a des élèves, c'est-à-dire des êtres abstraits. Un élève qui fait ceci, un élève qui fait ça, et c'est tout. Il n'y a même pas de couleur d'yeux ou de couleur de cheveux. Ces traits-là sont complètement effacés. Et en fait, ce que ces profs voient en IUFM, ils sont gavés d'une espèce de philosophie qui est apparue un petit peu avec Kant, et notamment avec Hegel, donc philosophe allemand. Et un truc drôle, c'est que Hegel, je pense qu'il est mieux connu en France, et plus étudié en France, alors que pourtant, Dieu sait qu'il est difficile à lire. Enfin, son allemand, c'est même pas de l'allemand, hein, c'est du hegelien, tellement il est dans le charabia incompréhensible. Oui, justement, quand tu es biberonné à Kant et Hegel, bah, tu apprends à oublier le monde dans lequel tu vis, et à vivre dans un espèce de monde complètement abstrait, de communauté éthique, d'agents, de communication, d'interpersonnalité, enfin de toutes les catégories abstraites que tu veux, mais qui ne doivent pas correspondre au réel, surtout pas. Et les profs donc sortent de ça, donc déjà embrigadés, et en plus, avec le côté, on parle de philosophie, c'est prestigieux, enfin en tout cas dans ces milieux-là pour qui c'est un capital culturel. Donc quand tu remarques la réalité, tu sors du beau logiciel kantien, hegelien, enfin pour ne pas dire même maçonnique, et tu deviens un beau populiste. C'est-à-dire que ces profs ont quand même une espèce d'échelle morale à l'esprit. Eux se croient supérieurs parce qu'ils arrivent à naviguer dans une réalité qu'ils veulent ignorer, qu'ils ignorent. Donc si toi tu cèdes en remarquant la réalité, à leurs yeux tu t'abaisses et tu deviens, comme disait le fameux Yann Moix, tu penses comme une bête. Hein. Donc à leurs yeux, t'as vraiment cette espèce d'évaluation morale là. Remarquer le réel, c'est s'abaisser. Remarquer le réel, c'est être moralement inférieur à celui qui arrive à se tenir au logiciel maçonnique. Les profs raisonnent vraiment comme ça, même si eux vont fuir par ailleurs, mais sans le dire hein, évidemment, ils vont naviguer aussi dans leur tête, je pense. Mais c'est drôle parce que je me disais, et j'ai l'impression de voir deux variantes, c'est qu'il y a cette espèce de variante un peu vieille qui est restée sur ce logiciel qui est quand même assez ancien. Kant, Hegel, on parle vraiment fin 18e siècle, début 19e, donc ça commence à sentir un petit peu la naphtaline. Il n'y avait pas de grand remplacement à leur époque. Donc ça vieillit un petit peu, ça commence à céder. Et d'un autre côté, on commence à voir une espèce de variante qui monte, qui est plutôt celle indigéniste, qui elle va remarquer l'évolution démographique, mais qui va s'en féliciter, dire bah oui, il y a de plus en plus d'Africains et d'Arabes, mais c'est très très bien, voyons, c'est la diversité, c'est un apport, c'est une richesse, oui, il y a ça, et alors ça n'est pas du tout en conflit avec la République, au contraire, c'est un perfectionnement, hein, comme dirait Kant, de la République, ça incarne encore mieux les valeurs républicaines, il faut le savoir, mais j'ai l'impression que là, peut-être que ça va prendre un petit peu de temps, mais je me dis, une fois que les boomers qui sont tous formés au logiciel Kanto et Galliano maçonnique vont disparaître, je pense que ça va passer à l'indigénisme et qu'on va passer du le grand remplacement n'existe pas, c'est une théorie du complot d'extrême droite, à oui, ça existe et c'est très bien. Je pense que oui. Ça va s'articuler les deux. Oui, oui, le remplacement existe, mais et il n'est pas assez rapide. Hein. Je pense que c'est de manière ce que ces nègres veulent, hein, les Rokhaya Diallo et compagnie, ils ne veulent oui, que. Oui, oui, oui. Non, mais on voit. Que remplacer. Quoi. On voit en fait, ils ont toute une série d'arguments qui sont très intéressants, qui viennent de l'extrême gauche, très clairement, enfin le trotskisme, etc., ou le maoïsme aussi, hein, les groupes maoïstes aiment bien développer ce type de rhétorique. Les maoïstes ont vraiment adhéré à l'indigénisme pur et dur. Alors quand on parle d'indigénisme, en fait, c'est le terme de l'organisation d'Oria Buttigieg qui s'appelle le Parti des indigènes de la République. Voilà, parce qu'elle décrit les Africains et les immigrés non blancs en France comme étant des indigènes, bon, par référence à l'indigénat du temps des colonies. Alors le problème, c'est comme je l'ai déjà dit, hein, pour une raison évidente, ce sont les blancs qui sont les indigènes en Europe et pas les nègres et pas les Algériens. Bon, faut quand même le rappeler. Mais bon. C'est rentré dans le vocabulaire ambiant, l'indigénisme, avec une dimension assez péjorative d'ailleurs, alors pas dans la bouche de Buttigieg, mais dans la bouche justement de cette gauche professorale, blanche, bourgeoise, pédante, qui sent qu'elle se fait bousculer. Mais en même temps, cette gauche blanche est divisée. C'est-à-dire qu'on a la partie la plus institutionnalisée, la plus bourgeoise, qui va critiquer l'indigénisme. Ça va être Elisabeth Badinter, donc la femme de Robert Badinter, là, le juif, là. Laurent Bouvet. Voilà, bon, qui vont avoir une critique féministe en disant, bah non, on est menacé par une espèce d'esprit médiéval, anti-lumière, mais qui ne vient pas des sauvages blancs, mais qui vient des sauvages marrons. Voilà, donc, voilà, en quelque sorte, si vous voulez, le cosmopolitisme est menacé par le cosmopolitisme. Voilà, c'est un peu le propos qu'ils tiennent. On va retrouver aussi là-dedans des gens comme Finkielkraut, par exemple. Et puis, vous avez l'extrême gauche opportuniste, qui cherche désespérément, en fait, des clients, des alliés de circonstances, etc., qui eux vont dire, ah, mais attendez, votre pseudo-universalisme est un masque mensonger pour perpétuer la domination coloniale, pour le coup en France, et la domination des idées occidentales sur ces populations-là, et elle prône, cette extrême gauche-là, un relativisme total, c'est-à-dire ces gens-là sont légitimes d'avoir leur propre socle de valeurs ou d'us et coutumes, et si vous essayez de leur imposer telle ou telle valeur morale, hein, égalité homme-femme ou que sais-je, etc., vous êtes un colon en puissance. Vous êtes un colon en puissance, un colon hypocrite. Voilà. Et là, il y a une fracture fondamentale à gauche aujourd'hui, au sein de la gauche blanche. Hein, C'est tout le discours que vous entendez. Hein. Vous ouvrez les canards de gauche, ça revient en permanence, cet affrontement. Hein. En permanence. Mais on voit bien que d'un côté, vous avez les boomers avec beaucoup de juifs dedans, qui défendent cette position institutionnelle. Et en bas, beaucoup de métèques, beaucoup de négresses. Là, ça, c'est les Rocaille Diallo. D'ailleurs, Rocaille Diallo, je ne sais pas si vous avez suivi, cette semaine, avec les retombées de l'affaire Lilian Thuram, Lilian Thuram ayant commis le péché d'essentialisation, justement. Vous voyez, on est au cœur du débat, là. Parce qu'il a dit « les Blancs ». Hein, il a dit « les Blancs se croient supérieurs et ils le pensent ». Vous vous rappelez, on en a parlé la semaine dernière. Il se croit supérieur. Il a fait un amalgame, une généralité. C'est ça. Bah, disons, la LICRA est intervenue, c'était marrant l'échange sur BFM TV, en disant « non, mais attendez, il dit « les Blancs », il l'essentialise ». Alors pour eux, c'est l'alarme. Pourquoi ? Non pas parce que la LICRA se soucie du sort des Blancs, mais parce qu'ils savent ça que... Ça peut faire chier des Blancs derrière, oui. Oui, non, disons que c'est... On va très vite passer de « les Blancs » à « les Juifs ». Hein, c'est surtout ça le truc. Et les Juifs prennent toujours soin d'éviter ce phénomène de comme ils disent, d'amalgame, c'est-à-dire de créer un bloc homogène qu'on peut accuser de tel ou tel truc. Donc là, les Juifs se sont dit, oula, on a une dérive indigéniste chez Thuram. Rocaille Diallo est interrogé, je crois, sur BFM TV, on lui demande son avis, etc. Bon, elle est polémique, et ensuite sur Twitter, elle dit. Oui, mais les Juifs n'ont pas été exterminés en tant que groupe par Adolf Hitler. Hein. L'histoire officielle voulant qu'Adolf Hitler ait gazé des 6 millions de 7, 8, 10, j'en sais rien, à Auschwitz, en Pologne, bien sûr. Alors elle dit non, ils n'ont pas été exterminés en tant que groupe blanc, précise-t-elle. Quoi. Alors évidemment, les Juifs, ils entendent une musique bizarre, si vous voulez. Parce que qu'est-ce qu'elle essaye de faire au Rocaille Diallo ? Ce que veulent faire tous ces activistes noirs, c'est dire, bon, la Shoah, l'Holocauste, admettons, si vous voulez, bon, mais quand même, le plus grave, c'est l'esclavage. Vous voyez ? Et là, il y a une concurrence qui arrive, c'est-à-dire que les Noirs veulent imposer l'esclavage comme étant le point cardinal de la culpabilité blanche. C'est-à-dire qu'en ce moment, ce qui est en train de se passer, à gauche, c'est le procès de la race blanche, en fait. Et vous avez des procureurs qui sont en concurrence. Jusqu'à présent, les Juifs avaient un monopole, et la démographie aidant, de plus en plus, vous avez une contestation, vous avez d'autres procureurs qui disent non. La Shoah, peut-être, mais l'esclavage, surtout. Et puis d'autres vont encore venir, hein, des Algériens, vont dire, ah non. Et la colonisation, faut pas l'oublier, la colonisation, etc. Donc tout le monde a son dossier. Et le truc, c'est que maintenant, dans l'université française, donc dans le monde professoral, vous avez des gens qui ont têté l'opportunisme trotskiste, l'opportunisme maoïste, le mélanchonisme aussi à sa façon, l'indigénisme, quoi qu'il en soit, et qui se mettent à reprendre ces nègres ou ces arabes qui font du bruit, si vous voulez. Et donc, pour moi, la fracture dans l'université et ensuite dans les écoles, elle arrive là. C'est-à-dire que le gauchiste que vous avez vu, c'est le gauchiste vieille école. D'accord ? Donc lui, il est dans le déni, il veut pas voir. Mais ça reste, donc évidemment, c'est dangereux, parce que c'est marrant, parce que dans ce qu'il disait, il accusait les autres d'être irresponsables en laissant les gamins pisser. Quand on voit le déni dont lui-même est coupable... Sur la question raciale, vous imaginez les dégâts qu'il peut faire inconsciemment et avec lui tous ceux qui lui ressemblent. Mais ces gens-là sont de la vieille école encore, comparativement. Ceux qui arrivent, ce sont les types qui vont activement militer pour détruire tout ce qui peut ressembler à quelque chose de blanc, d'européen, d'occidental en France. Dans les écoles et dans la tête des gamins. Voilà. Alors je vous laisse deviner ce que ça va donner dans des écoles... des grandes villes de France, où par ailleurs, quand les petits négrillons ou les petits arabes sortent des cours, ils rentrent à la maison, et le grand frère est un dealer de dope salafiste incarcéré, etc. Vous avez les discours que vous connaissez. Bon, voilà, c'est... Ça va être l'Irak, hein. Il faut quand même voir ça, quoi. Si peut-être que quelqu'un veut dire quelque chose d'autre sur tout ça, sur cette... magnifique éducation nationale. Ouais, bon, ouais, vas-y, Titus. Oui, bah là, ça... là, niveau pronostic, je trouve que c'est pas extrêmement facile à faire parce que la démographie va clairement l'emporter du côté halogène et surtout du côté noir, enfin, à tel point que même les Arabes commencent à prendre peur d'être grand remplacés. Mais en même temps, il reste un espèce de noyau, je dirais, de bobos et de sous-bobos qui sont les profs relativement jeunes, qui eux s'accrochent au logiciel de la vieille école, parce que tout de gauche et formaté qu'ils soient, il y a quand même l'instinct de survie en eux. Ces gens ne veulent pas être effacés, ne veulent pas se faire trop méchamment bolosser. Donc, je pense qu'entre la position Liliane Thuram-Boutelja, ouvertement anti-blanche, ouvertement pro-nègre et pro-arabe, et eux, ça va faire des étincelles. Mais je me demande de quelle contorsion, parce que les deux doivent faire des contorsions, en fait. Aucun ne peut assumer directement sa volonté de puissance. Et autant les Noirs que les Arabes doivent se victimiser, toujours passer par le prisme comme ça, on a tellement souffert, imiter le logiciel juif. Mais bah, les Blancs doivent aussi, enfin les profs blancs là, institutionnels, doivent aussi être toujours de bons républicains, donc c'est assez drôle, ça donne un espèce de jeu de théâtre où rempli de règles non dites, et là le péché de Thuram c'est d'avoir transgressé une des règles non dites, sauf que ces règles ne sont jamais mises à plat nulle part, donc ça donne un espèce de jeu assez drôle et assez absurde en même temps. Et là je me demande, c'est difficile de faire des pronostics pour l'instant à moyen terme, là autant à long terme je pense que l'éther nègre est bien parti pour l'emporter. Autant à moyen terme, les bobos ont moyen d'avoir du répondant, mais à leur manière. Oui, c'est-à-dire que bon, les profs, ils ont quand même des limites à leur autisme, enfin à leur malhonnêteté. C'est qu'en général, ils ne font pas goûter le poison qu'ils abreuvent aux autres à leur progéniture. C'est vrai. Hein ils mettent très généralement leurs gosses dans le privé, alors que quand ils vont être avec leurs profs en réunion de profs, ils vont dégueuler sur les alors en plus c'est les mêmes profs, hein, c'est pareil, hein, c'est tout l'éducation nationale, il y a juste le diplôme d'entrée qui change, mais c'est pareil, c'est les mêmes programmes, mais ils vont quand même dégueuler parce que c'est la vulgate communiste qui l'impose. Ah ouais, ouais, le refrain laïcard, machin. Oui, voilà, voilà. Mais bon, ils vont foutre leur gosse dedans, etc., parce que tu comprends quand même, voilà, oui, il faut pas dépasser les limites, ouais, c'est bon, ok. Ouais, ça va continuer, ils vont faire ça, mais oui, la démographie nègre, l'éther nègre, effectivement, reprendra ses droits. Ouais, bah alors, le truc, là, c'est qu'ils sont tous, ils sont tous en train de pleurer parce qu'ils sont pas assez payés, disent-ils. C'est mal barré, là. Le truc, c'est je ne vois pas pourquoi il faudrait payer plus des gens qui ont fait un travail si excellent, hein, comme on a pu le mesurer ces 20-25 dernières années, je veux dire. Moi, oui, ils ont fait un travail de merde. Ils ont fait un travail de merde, oui, notamment sur les 25 dernières années, 25-30 même. Et maintenant, leur travail, c'est de garder des nègres. Donc, voilà. Gardien de zoo, excuse-moi, ça ne requiert pas d'augmentation de salaire. Au contraire, il faudrait leur pour une baisse de, hein, une baisse de drastique, cas, drastique, quoi, des drastique. Oui, oui, oui. Bah oui, le SMIC, hein, voilà, et encore. Hein, et encore. Non, mais je suis pour la suppression du SMIC. Bon, oui, oui. Ouais, non, mais c'est une catastrophe. En nature, payé en nature. Les nègres... Des gadins. Ouais. Non, mais c'est ça, quoi. Bon, au final, hein, ils finiront comme les scènes que nous a décrites un auditeur. La viande de brousse cuite sur des caddies à la braderie de Lille. Ils finiront en barbecue, hein, voilà. Ah bah ouais, ouais. J'avais lu un papier là il y a peut-être 2 mois dans Libération. C'était assez édifiant, je dois bien le reconnaître. C'était un lycée ou un collège, je ne sais plus, d'Île-de-France, qui était géré par une espèce de, on peut le dire, hein, de soviet, qui était tellement radical que même, j'allais dire, les profs de gauche avaient peur. Ça allait si loin que ça. Et alors, ils avaient pris le contrôle de l'établissement. Ils interdisaient, pour ainsi dire, au rectorat d'y foutre les pieds, pratiquement, hein. Les mesures disciplinaires ne servaient à rien. C'est un véritable soviet anarcho-communiste, tellement les types sont radicaux. Tellement ils sont radicaux. Ouais. Et ils livraient leurs expérimentations pédagogiques et trucs et machin. Et alors, il y avait toute une histoire de syndicat aussi, il y avait une cellule syndicale, une secte rouge. Une secte rouge qui s'était emparée d'un établissement. Et alors ça faisait tellement de bordel que même la... Excusez-moi, Libération, d'accord, hein, c'est pas le Figaro, hein, c'est même Libération, ils trouvaient que c'était quand même un peu fort de café, quoi. On était à deux doigts du polpotisme, hein. C'était hallucinant, quoi. Fallait lire le papier, c'était très circonstancié, il y avait les anecdotes, etc. Et puis il y avait quelques types qui se confiaient là, sous des pseudonymes, etc. Les types avaient peur, la trouille d'être identifiés, quoi. C'était des fous, des fanatiques. Tu penses bien que ce... Enfin, ces gens-là font la traque à un mec qui pourrait voter Bérou, parce que c'est... C'est ça, ouais, non, mais c'est ça. Et par contre, tu peux avoir des Pol Pot, quoi, qui tient un établissement... Enfin, c'est fou, c'est carrément fou. Ouais, j'aurais pu citer l'article, mais vous pouvez peut-être éventuellement le retrouver. C'est un établissement donc qui défraie constamment la chronique à l'intérieur de l'éducation nationale en raison de sa radicalité et du fait qu'il échappe totalement à l'autorité. Alors ils essayent de muter, vous savez, ils essayent de muter les plus endurcis. Il n'y a rien à faire, ils n'arrivent pas à bout. J'en ai appris beaucoup en sachant que ces gens-là sont parmi les plus radicaux du lot, hein. Et que y a pas besoin d'aller aussi loin pour trouver de parfaits marxistes endurcis. Donc c'est ceux que vous avez... Par exemple, un truc très révélateur, puisqu'on en est à faire les travaux préparatoires en vue du Nuremberg de l'éducation nationale, regardez les comités qui aident les migrants. Les rombières là, qui se précipitent au pied des bus de nègres pour leur donner de la soupe avant de les embarquer chez elles, pour faire ce que vous savez. J'ai eu l'opportunité, grâce à une pétition dans un de ces cas-là, de voir les blazes de qui soutenait des migrants dans une certaine région que je ne nommerai pas. Et c'était très intéressant parce qu'il y avait les professions. 90%, c'était des femmes retraitées de l'éducation nationale. 90%. Le profil type de la vieille bique ménopausée qui cavale derrière du Soudanais, c'est de la rombière retraitée de l'éducation nationale et de toute façon de la fonction publique. Mais de manière écrasante. Écrasante. Il y a un problème. Il y a un problème. C'est-à-dire que ces gens-là sont en retraite, ils sont encore au charbon. Ce sont des fanatiques. Ouais, ce sont des fanatiques. Ouais. Et vous les trouvez, hein. Et alors, ils ont que ça à foutre de leur journée. Ils sont grassement payés en retraite. Grassement payés en retraite, parce que les retraites de profs, c'est pas les retraites de tourneur-fraiseur, hein. C'est pas pareil, hein. Ces mecs-là sont... Payé sur les 5 dernières années, puis bon, on a fait en sorte que ton indice soit mis augmenté automatiquement. Voilà, puis ils se sont constitués un joli patrimoine pendant 40 ans, etc. Voilà. Et alors, sachez-le, vous avez ce phénomène-là aussi, les profs se marient entre eux. C'est un phénomène. Ils cumulent les retraites, ils cumulent les bonus, ils partent en vacances en même temps, etc. Et alors, comme ils viennent des mêmes milieux, ils travaillent dans le même environnement, ils parlent des mêmes choses... Il y a un phénomène d'aggravation, et en plus, ces gens-là ont la mauvaise idée de faire des enfants. Alors, il y a quelques réchappés, j'en connais, hein, il y a quelques fils de profs de fils de profs au pluriel, hein, le père et la mère profs, bon, ils ont réussi à réchapper de la matrice, gauchiste de l'éducation nationale, mais c'est pas facile, hein. C'est pas facile, même rarissime, parce que j'en ai connu d'autres, en revanche... À 16 ans, 17 ans, c'est déjà... c'est pas des trotskistes, mais c'est ceux que vous allez retrouver au MJS, Mouvement des Jeunesses Socialistes. Alors, je ne sais pas ce que, si vous savez ce que c'est aujourd'hui, le Mouvement des Jeunesses Socialistes. C'est peu ou prou. C'est ça qui est fou, hein. Aujourd'hui, c'est Act Up. Act Up et les nègres. Voilà, Act Up et les nègres. C'est tellement radical que même pour le Parti Socialiste, ça va trop loin. Il y a eu plusieurs, ces dernières années, il y a eu plusieurs fois des tensions entre le Mouvement des Jeunes Socialistes et le PS. Parce qu'en fait, le Mouvement des Jeunes Socialistes, des Jeunes Socialistes accusait pratiquement le PS d'être contre-révolutionnaire. Pratiquement. Voilà. Le PS de Hollande, hein. Oui, oui. Oui, donc... Tiens, récemment, j'ai encore... Je parlais des experts, vous savez, qui viennent de l'université française. Récemment, le racisme anti-blanc. Il y en a un, il s'appelle Fassin. Il s'appelle Fassin. Il écrit des livres. Il noircit des papiers, vous pourrez ça sur Google, hein. Thèse de trucs, université Paris 8, vous allez trouver tout ça. Alors, j'ai lu, hein, sous sa plume, hein. Donc le type, évidemment, dit « Non, non, le racisme anti-blanc, ça n'existe pas, il faut que ce soit systémique. Hein » vous connaissez la chanson. Et alors, je me suis renseigné, j'ai lu un petit peu ses écrits à lui. J'ai lu, dans une étude qu'il a faite, le type accusait le Parti Socialiste d'être un parti xénophobe. Le Parti Socialiste, vous voyez, d'être un parti xénophobe. C'est les experts, c'est les experts qu'on convoque sur France Info, sur France Culture, pour parler du racisme anti-blanc. C'est ces gens-là. Je ne sais pas si vous imaginez. Ben, France Info, France Culture, ce sont des radios de profs. Alors, ce sont des radios juives, mais qui s'adressent aux profs. Oui, oui, oui. Mais il peut y avoir intersectionnalité dessus. Il peut avoir des. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, bien sûr. Alors, en fait, mais tu as raison, là, quand tu pointes ça du doigt, très intéressant, ça. Ils consomment quoi, ces profs? Où ils vont chercher leurs idées à la con? Derrick vient de le dire. France Culture, voilà. France Info. Voilà. Voilà. Et là, vous avez les derniers sociologues juifs. On en a parlé, on en cite plusieurs, mais il y a un Jablonka, sociologue juif, prof encore dans une université française, machin. Il faut en finir avec la virilité blanche. Tu sais, parce qu'en France, en 2019, tu souffres sous la virilité blanche. On étouffe, quoi, tu vois, on n'en peut plus, quoi. Bon, hein. Bref. Bilal Hassani, tu vois, la virilité blanche. Titus, peut-être tu veux rajouter quelque chose? Oui, là, les profs consomment évidemment du France Culture et du France Info, mais ils ont aussi la télé, et ils vont quand même regarder Arte assez régulièrement. Et ils ont besoin d'avoir leur ration et d'art contemporain, et de... le truc d'art moderne commenté dûment et de documentaires sur la Shoah, bien évidemment. Ah oui, la Shoah, oui, une piqûre toutes les semaines, un minimum. Hein. Ah bah, c'est la messe du prof laïque, voyons, le laïcaire est ah oui, aussi un exterminationiste. Oui, c'est la base. C'est la base. Donc voilà, bon, y aurait tellement de choses à dire, à la fois sur la sociologie du professorat, sur le milieu, par région, etc. Il y aurait tellement de choses à dire. Mais bon, je pense que c'était pas mal de s'intéresser un peu à cette structure qui fait tellement de bien à la société, n'est-ce pas? Alors, avant de nous séparer, peut-être un petit arrêt par Israël? Ça vous intéresse? Oh oui, oui, oui. Parlons un peu de nos meilleurs alliés. Nos meilleurs alliés. Et le meilleur allié de Donald Trump. Vous le savez, hein, Donald Trump... président le plus pro-israélien de l'histoire américaine, hein, de très, très nettement. L'État d'Israël lui doit la reconnaissance de Jérusalem comme capitale une et indivisible d'Ixit de l'État juif, la reconnaissance de l'annexion du Golan et de ses ressources énergétiques également, aussi de très généreuses livraisons d'armes, l'abolition, enfin le comment dirais-je, l'annulation de l'accord sur le nucléaire iranien, accord international ayant impliqué toutes les grandes puissances, Chine, Russie, États-Unis, France, Allemagne, Grande-Bretagne pour l'Europe. Et donc c'était quand même pas rien le fait de l'annuler pour satisfaire Israël, voilà. Mais visiblement, Donald Trump, qui pourtant... dont la fille est convertie au judaïsme et qui s'est mariée avec un juif orthodoxe, ami personnel intime de Netanyahou, visiblement, Donald Trump et peut-être en 17. En tout cas, on n'est pas certain. Et je vais vous donner cette information qui nous vient du journal américain The National Interest, donc l'intérêt national. Alors, je vous le lis. Un rapport qui a fait l'effet d'une bombe, publié jeudi, affirme que le gouvernement israélien a mis en place des dispositifs pour espionner la Maison-Blanche, ce qui a provoqué un démenti de la part du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Le site d'actualité Politico cite trois anciens responsables américains affirmant que le gouvernement américain a conclu au cours des deux dernières années qu'Israël était très probablement derrière le placement de dispositifs de surveillance par téléphone portable qui ont été trouvés près de la Maison-Blanche et d'autres endroits sensibles autour de Washington DC. Selon le rapport, l'administration Trump était au courant de l'évolution de la situation, mais n'a pas réprimandé le gouvernement israélien et il n'y a eu aucune conséquence pour le comportement d'Israël. Les dispositifs de surveillance miniature communément appelés Stingrays auraient été placés autour de Washington, la Maison-Blanche. Ces appareils trompent les téléphones en leur transmettant des informations de localisation et d'identité et peuvent également être utilisés pour voir ou entendre le contenu des appels ainsi que l'utilisation des données. Ces tactiques étaient probablement destinées à espionner le président Trump, a déclaré l'un des anciens fonctionnaires, ainsi que ses principaux adjoints et associés les plus proches, bien qu'il ne soit pas clair si les efforts israéliens ont réussi. Le gouvernement américain conclut qu'Israël était impliqué entre 2018 et aujourd'hui, selon le rapport, mais les autorités israéliennes ont fermement dénoncé les conclusions. S'adressant aux journalistes en route pour la Russie, M. Netanyahou a qualifié ce mensonge de, je cite, ce rapport de mensonge flagrant. C'est un mensonge flagrant, le gouvernement israélien s'est engagé depuis longtemps à ne participer à aucune opération de renseignement aux États-Unis. Cette directive est strictement appliqué sans exception, a déclaré M. Netanyahou. Amos Yadlin, l'ancien chef du renseignement militaire israélien, a également dénoncé le rapport en le qualifiant de fausses nouvelles saupoudrées d'antisémitisme. Voilà, fermez le banc, c'est antisémite. C'est tout. Voilà, c'est... Derek Bah oui, antisémitisme, moi je suis d'accord. Hein. Flagrant, hein. Systémique, dirais-je, là. Systémique, hein. Antisémitisme systémique. Titus, qu'est-ce que ça t'inspire, cette... visiblement, Trump n'en fait pas assez. Il n'en fait pas assez, hein. Ah bah, que veux-tu, c'est un petit peu une fatalité, hein. Trump reste un goy. Dans le monde, il y a deux catégories de personnes. Il y a les juifs et il y a les antisémites. Un goy, c'est simplement un antisémite qui s'ignore. C'est vrai que certains goy qui sont mieux que d'autres, comme Yann Moix, par exemple, mais ces gens... doivent quand même savoir qu'ils ont un destin tragique parce qu'ils n'en feront jamais assez. Ils peuvent être juifs par le cerveau, mais comme disait, alors c'est marrant parce que sur Wikipédia, qui est pas du tout un bastion politiquement incorrect, mais j'avais vu une fois une dispute entre utilisateurs sur une page de discussion, et il y avait quelqu'un qui disait « Oui, de toute façon, être un juif converti fait de vous un juif, avec un J minuscule, pas un juif, J majuscule. » Donc eux font très très bien la différence entre les juifs minuscules convertis, qui au fond sont d'éternels goy, et les juifs, le noble peuple élu, qui va réussir à gouverner la terre sous le regard bienveillant de Yahvé, quoi. Et là-dessus, Trump, il a fait quelques efforts, est-ce que c'est le bon mot? Il a donné quelques gages à Israël, mais ça reste un goy. Donc, oui, un antisémite, il faut le conclure. Oui, d'autant plus qu'un goy qui en fait trop est suspect. Tu as évoqué le cas Moix. Bon, ben Moix, c'est ça, quoi. Hein, le type, je vais apprendre, je vais lire le Talmud, etc. Faire l'apologie d'Israël à droite à gauche. Bon, et puis au final, on sait ce qu'il y avait derrière, on a vu ce qu'il en était. On le savait déjà de notre côté, mais bon, ça c'est pas une nouveauté. Mais si les juifs, bon, ils doivent avoir l'habitude, les juifs notent tout au fil de l'histoire. Ils ont dû voir que les gens qui étaient trop obséquieux, qui faisaient trop de courbettes, ça se révélait en fait être des gens qui voulait profiter d'eux à un instant donné pour la mettre à l'envers et qui l'auront sûrement bien mis à l'envers plusieurs fois, et je m'en félicite. Et c'est pour ça que, quand ils ont vu Trump qui leur chier le ce qui va pas. Allons chercher la petite bête. Oui, ils se sont dit, qu'est-ce que ça cache? Bah oui, en fait, tant que le Premier ministre israélien ne sera pas aussi statutairement le président des États-Unis, il y aura toujours un soupçon d'antisémitisme, en fait. Donc, oui. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Donc, en attendant, il faut prendre des précautions et donc espionner ce qui est quand même officiellement pour Israël le plus grand allié de l'État juif. C'est-à-dire que, très officiellement, les États-Unis sont le principal allié d'Israël. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les États-Unis à l'ONU, c'est condamnation sur condamnation sur condamnation. Et s'il n'y avait pas les États-Unis, il y a longtemps qu'il y aurait eu un boycott de masse d'Israël. Donc les Juifs doivent tout aux États-Unis d'Amérique, et aussi, voire surtout, à leur lobby très actif, bien évidemment, au Congrès et dans la presse. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on observe ? Les Juifs n'ont pas un rapport entre amis avec les États-Unis, ils ont un rapport d'hostilité. C'est-à-dire que oui, c'est un allié, mais c'est d'abord et avant tout un ramassis de goy, et il faut les avoir à l'œil, parce qu'avec ces goy, on ne sait jamais ce qu'ils préparent. C'est comme ça qu'ils réfléchissent, les mecs. Donc les types, ils espionnent un type comme Trump. Je crois que c'est... Il n'y a que sur Israël où Trump a rempli toutes ses promesses, me semble-t-il. Hein. Je crois que c'est à peu près ça. C'est le seul domaine où tout ce qu'il avait annoncé qu'il ferait, il l'a fait. Hein. Je veux dire, le mur, bon, bah non, hein, il fait pas... Il fait des barrières. Il fait des barrières, voilà. Il vire personne, etc. Bon, on lui facilite pas le boulot, hein, je suis d'accord. Enfin bon, voilà, il est mou. Par contre, avec Israël, il est intransigeant. D'ailleurs, il est tellement intransigeant que maintenant, au Moyen-Orient, avec l'Iran, ça commence à devenir dangereux. Ça commence à devenir violent. Je sais pas si vous avez vu... en Arabie Saoudite, c'est du jamais vu. Je veux dire, ils ont attaqué une installation peut-être les plus grandes. L'Arabie Saoudite a dû stopper la moitié de sa production. Oui. Alors c'est pas l'Iran directement, mais oui, c'est un proxy, c'est-à-dire c'est des rebelles du Yémen, mais bon oui, effectivement. Voilà. Donc les drones sont pas arrivés là par hasard. Et tout ça s'explique par un environnement régional qui est alimenté par la rupture du contrat sur le nucléaire iranien, qui est un contrat international avec la vérification, etc., dont Netanyahou avait exigé l'abandon par l'Amérique, ce qu'a fait Trump. Et on devrait se dire, bon, ben, la confiance est totale. Dans ces circonstances, comment l'État d'Israël ne pourrait pas avoir confiance dans la Maison-Blanche? C'est impossible. Eh ben si, c'est possible. Si, c'est possible. Bien sûr que c'est possible. Comme je vous le dis, hein, je veux dire, tant que le Premier ministre israélien ne sera pas aussi le président des États-Unis d'Amérique, il n'y aura pas de confiance. Voilà. Alors, en conséquence, je vous laisse méditer sur la façon dont les Juifs perçoivent ceux qu'ils n'aiment pas. Ouvertement, je veux dire. Par exemple, la France. Méditez là-dessus. Si, vous savez, on avait parlé de ça avec l'incendie de Notre-Dame. On avait vu des rabbins israéliens qui s'étaient félicités de l'incendie en sortant des histoires vieilles de 8 siècles avec Saint-Louis. Vous vous rappelez de ça? En 1300, les Talmuds ont été brûlés sur l'esplanade devant Notre-Dame. Jéhovah s'est vengé. Ouais, alors c'était pas, les Talmuds n'avaient pas été brûlés sur la place en face de Notre-Dame, ils étaient brûlés en place de grève, mais c'était pas très loin. Mais c'est vous dire, c'est-à-dire qu'on a trouvé des rabbins israéliens qui sont très influents. Je m'étais intéressé parce qu'ils faisaient partie d'un parti politique qui était au sein de la coalition Netanyahou au pouvoir. Donc c'était pas du tout un illuminé qui avait dit sur internet « Oh ben oui, mais... » Non, non, c'était un représentant d'un parti politique religieux qui faisait partie du gouvernement Netanyahou. Et le type a exhumé une histoire de 8 siècles pour dire « Ah là là, c'est sale goy, c'est bien fait, si leur cathédrale a brûlé... » Voilà. C'est ces gens-là qui pilotent l'État israélien. Alors quand vous voyez le traitement qu'ils appliquent à l'Amérique de Trump, imaginez ce que ça va donner à la France de Saint-Louis et du maréchal Pétain. Donc quand vous voyez ces gens-là dire « La France et Israël sont liés par l'amitié... Les... » Oui, Saint-Louis, Roche-Juif... Ah oui, j'ai entendu parler de cette histoire, ça c'est Éric Zemmour. Zemmour, ça oui, dans son dernier bouquin. Je ne l'avais pas lu, bon, je lis pas Éric Zemmour. Je ne savais pas qu'il avait osé quelque chose d'aussi... J'avais lu le passage, c'est édifiant, quoi. Bon, c'est du pile-poule, hein. C'est chose pathique. C'est une licence poétique. Oui, c'est une licence poétique. Voilà. En même temps, est-ce qu'Éric Zemmour voulait dire que la France était juive ? Je pense pas, mais bon. Non, mais tout ça pour dire que voilà. Alors, imaginez l'Allemagne. Bon, voilà. Non. Donc ces gens veulent nous tuer. Voilà. Ces gens veulent nous tuer par tous les moyens possibles, surtout les plus sales. Voilà. Donc et ils contrôlent les médias. En France, du moins, ils contrôlent les médias. C'est très clair. Et Arte notamment, cher Titus. S'ils peuvent nous tuer. Autant que ce soit, hein, ce que nous allions nous battre pour leur guerre à eux. Hein, tant qu'à faire, ah oui, bien sûr. Hein. Si Monsieur Netanyahou est très très prompt à faire le pont devant l'Iran, c'est parce qu'il espère que les Américains vont aller se faire trouver la peau pour sauver l'humanité. Hein. Bien comprise l'humanité. Hein. Je pense que c'est là qu'il y a un doute. C'est-à-dire qu'il voit que Trump, il suit tout le projet va-t-en-guerre, mais il se dit, mais bon, si on doit vraiment lancer les hostilités, est-ce que c'est pas un coup, oui, je fais monter la pression et au final, démerdez-vous. Quoi. Bah, je crois que les Juifs ont tiré cette conclusion-là, en fait. Hein. Oui, je pense que c'est la question que se posent les Juifs, en tout cas, ce que se pose Netanyahou. C'est pour ça que de tels dispositifs d'écoute de leur meilleur allié ont été mis en place. On ne peut pas faire confiance à ce Shabbat Goy. D'ailleurs, John Bolton a été viré cette semaine. Hein, donc, ça n'a pas dû plaire en haut lieu, ça, je pense. Voilà, John Bolton qui est un reliquat de cette horreur que sont les néoconservateurs. Quoi, hein. Si tu as lu Courrier International, tu sais comme moi que ce sont des protestants fanatiques. Oui, mais sans déconner, je te donne après la parole, Titus, mais juste pour rappeler ça, du temps des guerres de Bush en 2001 en Afghanistan, mais surtout en Irak en 2003... Les médias français n'arrêtaient pas de revenir à la charge en expliquant que c'était une croisade protestante. Je veux dire, tu regardais toute l'administration, tous les points clés, c'était rempli de juifs à tous les étages. Les mecs ils avaient la bave aux lèvres, des mecs comme Christol et d'autres. Oui. Mais ouais, tous ces mecs-là. Et ils n'ont vu que des protestants. Le seul protestant de l'affaire, c'était George Bush. Hein. C'était le... Ouais, ouais. Il donnait pas beaucoup d'ordre. Titus s'étouffe en bouffant des bretzels. C'est ça, voilà. Ouais. Ah oui, là, les journalistes avaient un regard très très sélectif. Mais là-dessus, on peut presque admirer, la capacité des Juifs à réécrire l'histoire sans arrêt, parce que selon leurs intérêts de l'époque, selon la situation, ils vont constamment te réécrire l'histoire. Mais d'ailleurs, ça donne lieu à des comparaisons assez drôles, parce que quand on regarde un petit peu ce qui se dit aux États-Unis, là, on voit que quand en France, parler de lobby juif, c'est vu comme de la théorie du complot, surtout pas, t'es l'extrême droite si tu vois que ça existe. Par contre, tu vas à New York, t'as des musées juifs, où là, les juifs te parlent ouvertement de leur influence, mais ils en sont fiers. C'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui doit être reconnu positivement, donc là, ça existe, mais c'est bien interprété. C'est juste que dans les deux cas, ce sont des juifs qui vont réécrire l'histoire comme ça les arrange, pour un environnement idéologique légèrement différent. Mais oui, là, sur Trump, Je me disais, hein, les Juifs ne veulent pas s'empêcher de projeter sur tout le monde leur esprit tordu, et du coup, ils se demandent constamment ce que le Goy va comploter contre eux et ce que quand le Goy va révéler sa nature bestiale et antisémite, puisque, comme vous le savez, les Goy sont des bêtes. Hein. Les Goy n'ont pas une âme qui monte jusqu'à Dieu comme les Juifs. Donc là, je pense que c'est ça. Ils ont dû vouloir se prémunir contre le prochain coup antisémite de Trump, qui reste antisémite. Il fallait quand même que Israël assure sa sécurité. D'ailleurs, vous savez comme moi qu'Israël est entouré d'Arabes qui n'attendent qu'une opportunité pour faire une nouvelle Shoah. Hein. D'ailleurs, une nouvelle Shoah, ça y en a tous les ans. Les Juifs souffrent beaucoup, donc ils ne pouvaient pas prendre le risque de mettre en jeu la sécurité d'Israël. Et il fallait qu'ils prennent des mesures pour se protéger. Hein, leur petit pays, qui est un phare civilisationnel au Moyen-Orient, fallait qu'ils se protègent et qu'ils prennent des mesures préventives. Comme ils disaient déjà à l'époque de la guerre en Irak. La guerre préventive, bon là, c'est l'espionnage préventif. Mettre des dispositifs préventifs à la Maison-Blanche pour être sûr que Trump n'allait pas révéler quand même un tout petit peu sa nature antisémite et bestiale. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'Israël est un état modèle au Moyen-Orient que Israël détruit tous les autres états autour de lui. Donc, effectivement, la comparaison est vite faite. Hein. On en a eu quand même une belle démonstration en Syrie, hein, où le chef du renseignement israélien a reconnu que soutenir les djihadistes, pourquoi pas, hein, jusqu'à les envoyer dans les hôpitaux israéliens pour les soigner. Bon, la Libye, bien sûr, l'Irak, n'en parlons pas. Pourquoi pas l'Iran ? Ça fait longtemps qu'ils veulent se bouffer l'Iran, quand même. Hein. Ça fait longtemps. Bon. Oui, et là-dessus, Obama était un assez mauvais goy, parce que Obama, il me semble que vers la fin de son mandat, il s'est un petit peu arrêté, il s'est dit, de toute façon, je ne vais pas être réélu, je vais prendre ma retraite. Il a un peu interrompu les opérations par rapport à l'Iran. Il n'a pas fait ce que le lobby attendait de lui, en fait. Okay. Bah, il a oui, un petit peu pas bloqué l'agenda du lobby, mais il n'a pas tout à fait collaboré. Quoi. Il a traîné les pieds. Bah ouais, un mauvais goy, hein, un mauvais goy. Hein. Eh ouais. On ne peut plus faire confiance à l'éther nègre. C'est terrible, quand même. C'est terrible. Bah, on va voir comment cette affaire iranienne évolue. Hein, ça, depuis toutes ces années qu'il salive à l'idée de dépecer l'Iran, on va bien voir. La Chine a annoncé mettre 400 milliards de dollars, dans l'économie iranienne. C'est absolument énorme. Dans le secteur énergétique, pour effacer, en fait, les sanctions américaines. C'est absolument énorme. Il se passe des choses. Les Chinois seraient-ils antisémites ? Les Chinois sont pragmatiques. Donc antisémites. Peut-être bien. Les amis, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.